partout dans tes oreilles. 89.1. Et vous allez devoir m'attendre 2-3 secondes, puis ça s'en vient. Regardez ça, ça s'en vient. Hop-a-l'aï! À son âge requis, tout de suite. Et voilà! Merveilleux! Aïe, aïe, hein? J'aimerais ça, il reste rien qu'à préparer le plan. On va l'avoir. Aujourd'hui, à l'Assemblage requis, on reçoit François André qui va être là pour parler de politique dans sa chronique politisante, Logocratie 101. On va vous apprendre comment mieux vivre dans les instructions d'assemblage et on va se remplir la bouche de bouchée jusqu'à ce qu'on soit ballonné dans la bouffe de la semaine. À son lac, requis commence là. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis ce jeudi 1er mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. Ça va? Ben, ça va très bien, toi? Oui, très bien. Le mois de mai qui commence aujourd'hui. Ouais, et... j'ai pas vu de différence avec hier. Moi non plus, même que c'est pire s'il y a quelque chose, t'sais. Effectivement. C'est ça. Mais le mois de mai annonce un changement, un renouveau. Hein. Le mois de mai, c'est le début des périodes chaudes, probablement. Oui, c'est presque une chanteuse. Période chaude? Non, je parlais juste du mai. Ah, mai, OK, période chaude, je la connaissais pas. Là, période chaude. Donc, c'est ça, le nom nouveau de moi qui commence. Et jasons un peu, placotons, on le fait pas assez, on jase pas assez à cette émission-là. Parlons de nos vies personnelles et tout, t'sais. Ce bon. Matin, là, je me suis levé super tard, à genre 6h30, OK? 6h30. Hey, c'est tard. D'habitude, je me lève à 6h pour avoir le temps de préparer mes chroniques. Ça. Oui, bon. C'est tard. C'est ça, c'est tard, 6h30. Ça avait l'air sarcastique. C'est l'été. Donc, je me lève, je me dis, bon, je vais partir à 7h au lieu de 7h15, parce que d'habitude, je pars à 7h15 pour arriver à 7h25. Ça marche pas vraiment, mais bon, pour l'instant. Je suis passé au métro pour acheter ma malbouffe de la semaine. C'était fermé. Mais voyons donc. C'était fermé. Ça ouvre à 8h, ça. Ben oui. Moi, dans ma tête, ça rouvre tard, une épicerie. Ben, c'est l'ancien métro 24h. Je m'étais dit, il va sûrement ouvrir à 6h. Je veux dire, si c'était 24h, tu fermes entre minuit et 6, t'es correct, t'es safe. Hein? Ah, oh, hein? Colin! Donc, je suis allé au dépanneur du Canadian Tire, acheter ma malbouffe de la semaine. Fait que, attends-toi pas. Il y a un dépanneur à côté du petit garage devant le Canadian Tire sur des forges. Ah, ouais, ah, ouais, oh mon Dieu! Je les salue, mais il n'y a pas grand-chose là. Non. Ben non. C'est la base. Ben, ouais. Je pensais qu'il y avait juste de l'essence, moi, en fait. Ben, en fait, c'est ce que je vous ai amené comme malbouffe de la semaine. Ah, de l'essence. Un petit pichet d'essence. Ah, super. Naturel, essence naturelle, comme on dit. Une chance que c'est la dernière, parce qu'on serait pas revenu demain. C'est ça, mais bon, tu sais, hein? C'est la dernière aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est la dernière aujourd'hui de l'assemblage requis matinal. On va passer en format estival la semaine prochaine. Les ben jeudis, oui, déjà. Jeudi entre 15h et 18h. Donc, parlons du plan d'aujourd'hui, autre que ma vie personnelle. Qu'est-ce qu'on a? François Landry à 8h30 pour sa chronique Logocratie 101. Et aujourd'hui, le titre de sa chronique, parce que chaque épisode a un nom. Oui, je suis attentive. C'est aussi Logocratie 101. Ah! Une petite chronique éponyme. On dirait bien que oui. Je lui ai demandé sur Facebook hier. J'espère que c'est pas ta dernière, ça, parce que ça sonne mot de la fin pas mal, ça. Là. Mais non, c'est la dernière de la session seulement. Rassurez-vous. Fouf! Fouf! Oh oui, fouf! David Ferron parlant de fouf. Une vraie foufoune ambulante. Donc, David Ferron, l'âne dans son oreille, il va venir nous présenter ça tout à l'heure dans le courant de l'émission. Je lui ai dit qu'il pouvait passer quand il voulait, donc il doit s'en venir en ce moment. Braver la pluie, affronter vents et marées pour venir vous présenter une petite chronique spéciale. En fait, il vient de me dire un petit coucou. Donc, je ne sais même pas si c'est une chronique. Je ne veux pas mettre la barre trop haute. Je pense que là, il est obligé de préparer une chronique dans son char pour qu'il s'en vient. Oublie ça, c'est sûr qu'il va faire quelque chose. Probablement, il va dire attends un peu, quel mot pourrait bien m'inspirer pour faire une chronique. Donc, David Ferron, plus tard. Et à 9h, bien sûr, on fait toujours la bouffe de la semaine ainsi que la malbouffe de la semaine. Moi, j'espère que tu vas pas trop me décevoir pour la dernière, là, même si c'est un dépanneur de Canadian Tire. Wow! Ben moi, je me suis dit, je vais un petit peu changer les règles. Hein, c'est en cours de route. C'est quand même ma chronique, la bouffe de la semaine. Un dérivé. Un dérivé, oui. De la mienne, oui. Que moi, j'ai instauré. Ah oui. Ah oui. Des règlements. Mais le règlement étant qu'on n'a jamais goûté à quelque chose. C'est ça. Ça, ça va, ça reste. Je n'ai pas goûté au produit. Par contre, okay. J'ai enlevé la règle du... parce que moi, je m'étais donné comme règle. Faut que j'aie jamais vu ça avant. Ah, mais c'est toi, ça, qui t'a donné ça comme règle. Mais ça donne une chronique où il y a moins de chances que t'aies goûté au produit. T'sais, ouais, ça? Ouais, je veux pas arriver en studio et que t'aies déjà goûté le produit. Mais c'est parce que... Je mange pas tant de malbouffe, là. Il n'y a pas grand chance. Ouais, mais en tout cas. Bref, ce que j'ai choisi là, c'est un produit que moi, j'ai jamais goûté qui est pas nouveau. Donc, tant pis. Ben, c'est correct. Parfait. À 9h. Si tu n'y as jamais goûté. Non, jamais. En tout cas, moi, je tiens à dire que je suis vraiment très à mon affaire. Ça fait une semaine que j'ai acheté ma bouffe de la semaine. Ben oui, c'est super ça. Je suis bonne, c'est super. Ben félicitations. Un jour, j'aurai peut-être le même calibre de talent que Stéphanie Paradis. Mais je suis pas sûr de ça du tout. Donc voilà, ça va être l'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec les instructions d'assemblage dans quelques instants. Mais avant ça, on va entendre une nouvelle entrée. En fait, c'est une des seules, sinon la seule, qu'on n'a pas encore entendue depuis que le palmarès le plus récent est sorti. Le plus présent. Le plus présent, en effet. C'est celui qui est dans le présent. C'est celui, en fait, qui couvre deux semaines entre le 28 avril et le 11 mai. C'est le dernier palmarès régulier de la session. Donc, on va le jouer jeudi, cet après-midi, au complet. Et ensuite, la semaine prochaine, on va aussi le jouer, mais différemment, pour tester le nouveau format estival des palmarès. Donc, celle qu'on n'a pas entendue, c'est la 20e anglophone. Voici Drive-By Truckers. Leur pièce s'appelle Shit Shot Counts. Shit Shot Counts. Ah, okay. Ben oui. On l'essaie. C'est les palmarès, c'est fou. Quand tu veux. T'sais. Ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le lecteur. Ouais. C'est pas, tu sais, pour des truckers, c'est un petit peu lent, je trouve, ça, sur le démarrage. With your switch, they don't pay you enough to work. Well, they don't pay me enough to bitch. Boss ain't as smart as he'd like to be, but he ain't nearly as dumb as you think. He just wants evolution on a budget with a schedule key. We'll be right back. Shots Count par Drive-By Truckers sur leur album English Oceans. Le nouvel album studio pour Drive-By Truckers. Steph, tu me parles d'un nouveau sentier à CAPTCHA. Un nouveau sentier à CAPTCHA, là. Est-ce que tu appelles ça? Ça sent l'altière? Ça sent l'altière? C'est qu'à CAPTCHA, ça sent l'altière, là. Parce que sentier, ça sent l'altière. J'ai-tu le droit de t'envoyer. Ben, t'as le droit à 5 fois pour me traiter de cave, là, mettons. Comme à chaque jour, c'est ton décompte. C'est une fois par jour? Non. C'est non, ben je sais plus là. J'avais dit hier. S'il te plaît! Ok, 5 fois par jour de me traiter de cave. Non, mais c'est trop viscéral quand t'insultes. Ouais. CAPTCHA. C'est ça. J'aime pas ça. D'accord. Joke de litière. Ça. M'excuse. C'est de la crotte. Voilà. On a construit une histoire autour de ton sentier à CAPTCHA. Maintenant, construisons votre vie. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Et c'est Stéphanie Paradis qui est chanceuse cette semaine parce qu'on a deux fois les instructions d'assemblage. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça, c'est pas les pois verts, ça. Géant vert. Oh, oh, oh, j'ai c'est envers. C'est quoi? Je pense que c'est sa chanson. Je viens de faire une pub de poids sans le savoir. Sans faire exprès. Wow! Les instructions d'assemblage, c'est évidemment la chronique où on vous suggère quelques façons de mieux vivre votre vie. Là. Juste changer quelques petites affaires ou créer des trucs, par exemple, culinaires, alimentaires. Le premier ici, c'est avec un avocat où on enlève le noyau de l'avocat. On coupe l'avocat en genre de quartier, si on en veut. Slide. En slides. En slides. Slices, slides. Et on enveloppe ça de bacon. Du bacon, du bacon, en effet, et on fait cuire ça, et ça fait quelque chose qui a l'air absolument délicieux dans un petit filet de papier, là, comme ça, ici, un genre de cylindre. Un cornet. La nouvelle mode pour mettre les frites. Non, je savais pas ça. Oui. Les petites frites sont souvent présentées dans des cônes, comme ça, dans les bistrots fancy. Trendy. Ouais. Eh ben, t'en as moins dedans, par contre, dans un cornet. Mais c'est souvent des frites allumettes. Non, c'est des petites frites minces. Les juliennes, style. Plus mince encore. Okay. Oh oui, allumettes. Julienne. Allumettes. Non, parce que tu sais, les chips juliennes, c'est comme tellement mince. Tu sais, mais là, tu parles de frites juliennes. Ouais. Il appelle ça des frites allumettes. D'accord. Mais en tout cas, ça a l'air très bon. Mais je me demande si le bacon va vraiment devenir croustillant. Il a l'air croustillant sur l'image, non? Ouais, c'est parce que le l'avocat, c'est quand même gras aussi. Oui. Fait que je me demande si ça prend quelque chose qui va absorber le gras, d'après moi, en dessous, que ça. Mais tu vois, dans l'image peut-être pas du milieu, en tout cas, sur assemblageRiki.com, vous allez voir, il y a une surface en dessous qui a l'air d'avoir des petits trous dedans. Je sais pas si c'est pour laisser goûter quelque chose. Je sais pas trop, c'est pas très détaillé. Et après ça, on le met dans un papier qui est peut-être un papier essuie-tout aussi pour essayer d'enlever du gras. Peut-être. Mais d'après moi, si tu mets ça sur une lèche frite, ça serait pas pire. Ouais, OK, parfait. Si on l'a. Donc, des avocats en quartier. Sans leur noyau et sans l'extérieur. Évidemment. Effectivement, c'est le noyau. Oui. Je sais même pas s'il rentre dans la bouche. Probablement pas, non. Méchante grosse affaire gluante, cette affaire-là. En tout cas. Donc, c'est cool. Bacon avec. Ça doit être vraiment bon. Je suis dans une passe d'avocat en plus. Oui. D'avocat, c'est bon. Puis de bacon, je veux dire, ça, c'est à l'année. Ben ouais, ça, c'est clair. C'est très à la mode, les avocats. Tous les restaurants de fast-food ont de l'avocat dans leur hamburger et sous-marin, etc. Subway, entre autres. Ah. Mm-hmm. Ensuite, souvenez-vous de cette unité de mesure, 3 pieds. 3 pieds, tu dirais qu'en mètre, c'est quoi? En mètre? Ben, ou en, peu importe, là, mais... Ben, c'est... Je sais pas. Oui, regarde. Moi, je mesure 5 pieds 3, pis ça donne 1 m60. Okay. Donc, 2 pieds 5, 6 et demi, ça ferait 80 cm. OK. selon Google, ça donne 0,91 mètres, donc quasiment 1 mètre. J'étais pas si loin avec mon 80, puis là, il fallait que t'en ajoutes un petit peu. Ouais, là. C'était juste plus c'était compliqué. C'était la moitié. Ouais, ouais. Ben oui, mais au moins, moi, j'ai donné une réponse c'est ça, au moins, avec ma tête. Ta réponse a de la valeur à mes yeux, plus que Google. Bref, souvenez-vous. En tout cas, si j'étais au tricheur, puis qu'il me donnait à 10 cm près, je l'avais pas non plus, j'étais à 11 cm. Puis si c'était à Price is Right, t'aurais surbidé, c'est ça? Ben non, j'ai dit 80. Ah, t'as bien raison. Donc, 3 pieds, c'est la distance qu'on devrait garder entre deux personnes pour réduire les risques de contamination par les microbes lors d'un rhume. OK, on est-tu à 3 pieds, là, tu penses? Ouais, facilement, un mètre, ouais. Facilement. Ouais? Ben, facilement, juste un petit peu plus. attends. Facilement un peu. Facilement, ben tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'il y a au moins un mètre. Ça, c'est OK. Ça. Ça. Bref, c'est la distance à tenir. Évidemment, j'ai pas un mètre entre moi et la console et mes doigts et la console. Mais bon. Avertissement. Avertissement. La machine de désinfectant à l'extérieur du studio n'a pas été remplie depuis 3 ans. Depuis qu'on n'a plus peur du H1N1, en fait. C'est ça. Pour vrai, là, ça n'a jamais été rempli, ça. Non. C'est n'importe quoi. Ensuite, celui-là, on en parle une fois de temps en temps. La recette change tout le temps un petit peu, mais... J'ai pas le choix d'en reparler, c'est les Reese's S'mores. Tu sais, les S'mores? Ouais. Les S'mores, c'est quand on prend biscuits Graham, chocolat et guimauve et qu'on fait cuire ça sur le feu. Mm-hmm. Dans, peu importe. Quelque chose de chaud. Dans là. Le petit chaud, dans le, petit chaud le four grille-pain chauffant. Là. Oh, un grand cuisinier ici. Oui, tu vois, une casserole, comment on appelle ça? L'affaire, là. Avec une poignée en métal. Un couvert. Donc, Reese's S'mores, c'est biscuits Graham, un Reese's, OK? Peanut Butter Cup. Guimauve, Graham encore, et Graham. Chocolat. Graham. Encore une fois, biscuit, chocolat, guimauve, biscuit, chocolat, guimauve. Eux autres, ils mettent 2 biscuits entre chaque étage, sauf aux extrémités. Non, ils ont juste empilé plein de s'mores. Ben, c'est ça. C'est... J'avoue, là. J'avoue. Ben, ils sont pas collés, il n'y a pas de guimauve. Tu pourrais les manger un à la fois, j'avoue. Mais, moi, je ferais un triple stacker. Ça rentre pas. Dans ma bouche? Non. Ah, hey, gomme-moi bien fin. Hey, non, ça rentre pas nulle part, ça, là. Même dans tes fesses. Si je mets les fesses qui sont grosses, pas ma craque. Un peu, mais les insultes. 5 tasses de thé vert par jour pourraient t'aider à perdre 2 fois plus de poids. Surtout dans ton ventre, nous dit ce conseil, dont je doute de la véracité. Donc, est-ce que toi, tu y crois? Non, tu peux pas perdre plus du ventre avec ça. Il y a aucun truc pour perdre localement des graisses. Mais il y a des études qui ont été faites pour vrai sur le thé vert. Je sais pas exactement comment ça fonctionne sur le métabolisme et tout ça, mais ça aiderait effectivement à perdre du poids. Oh, bon. Et en plus, ça coupe l'appétit, ça t'occupe les doigts quand t'as juste le goût de grignoter. C'est plein d'effets positifs. Parfait. Ben, c'est donc au moins à moitié vrai. Et si vous faites ça avec des exercices, votre gym habituel, et en plus, vous prenez du thé vert beaucoup. Et ne pas manger le s'mores Reese's. Ouais, ben là, gars, moi, j'en donne pour tout le monde des conseils. Il y en a pour moi, il y en a pour toi. Coupez une patate d'un bout à l'autre. Vous mettez donc votre patate, mettons, devant vous, OK, sur le format horizontal, et vous faites des tranches un peu comme des chips. Sur le côté le plus mince, OK? Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Vous coupez jusqu'à la fin. Ben, sans couper au complet. Non, c'est ça, jusqu'à la pelure. Mettons juste avant la pelure, si on veut, pour que ça tienne quand même ensemble. Vous mettez de l'huile d'olive par-dessus, un petit drizzle d'huile d'olive, du beurre, du sel de mer et du poivre. Et tu fais cuire au four 425 degrés pendant 40 minutes. Et on dit que c'est meilleur que des frites. Mais ça a l'air très bon. Ça a l'air de la chose la plus fantastique que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, oui, ça a l'air bon, je te dirais. Miam. Imagine. Ensuite, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un petit peu difficile à expliquer à la radio parce que c'est vraiment une image. Mais c'est comment accrocher ces cadres au-dessus de votre sofa. Ah. J'ai besoin de ça en ce moment. J'ai pas de décoration et une âme charitable m'a offert un cadre pour mon nouvel appartement qu'on a en ce moment en studio et on le remercie. C'est ça, avec un cœur. Par processus d'élimination, par qui devait venir m'amener aussi une batterie de cuisine qui est juste à côté, je pense savoir c'est qui. Donc, je vous salue à tous les deux. Avec tout mon cœur. Donc, comment accrocher un cadre au-dessus du divan? C'est la technique dont je vous parle maintenant. Par exemple, au-dessus de votre divan, vous pourriez mettre un petit cadre et un petit peu plus haut, un plus grand cadre. La technique verticale un petit peu. Mais avec la même forme. Avec la même forme, carré, exactement. Sinon, 3 cadres plus verticaux, un à côté de l'autre, ça va. Sinon, 9 très très petits cadres en grille de tic-tac-toe. Hein? Oui. Un cadre plus grand au-dessus de 2 cadres plus petits, mais qui donne en tout la même largeur sur le vertical. C'est bon. J'aime bien ça. Un rond plus gros et un petit carré en bas. C'est très joli aussi. C'est beau ça, j'aime beaucoup ça. Moi aussi. Sinon, un grand cadre à gauche et 3 petits cadres à droite, mais qui donnent la même hauteur à l'horizontale, mm-hmm. à la verticale. Regarde, je peux pas te contredire, je suis nul là-dedans. J'essaie, mais en tout cas. Ensuite, sinon, un plus long et deux tiers, mettons, en hauteur. Là, ça commence à être plus difficile à expliquer, celui-là. Bon, il y a sinon 6 ronds en rangée de 3 chaque. Qui sont tout le temps centrés. Jusqu'à maintenant, c'est tout le temps centré. On n'a jamais décentré jusqu'au suivant. Celui-là, on l'a décentré. Voilà. C'est 3 petits cadres placés pas dans le même sens, mais mettons 2 en haut et 1 en bas, mais un est à l'horizontale, un à la verticale, un aligné sur l'autre, un aligné au centre de l'autre. Mais c'est la même grandeur. Même grandeur, très important. Et tout ça à la droite du divan. Donc, quand tu le regardes, pas quand t'as assis. C'est très beau aussi. C'est très joli, j'aurais pas pensé à ça. Les autres, ben, c'est soit un seul grand cadre placé à la verticale ou encore un mishmash de plein de formes de petits cadres de différentes grandeurs en tant que ça donne le même, la même dimension de l'horizontale et du vertical. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est très beau. Un casse-tête, oui, c'est très beau. C'est beaucoup de travail, évidemment, placer des cadres, surtout quand vous, en avez plusieurs, d'essayer de les rendre droits. Je suis tellement, mais tellement nulle pour placer. En placer un, ça va, je peux le centrer avec n'importe quoi. Mais en centrer deux ensemble, mon Dieu, je trouve ça difficile. Trop difficile. Et après ça, c'est de réussir à le mettre à la bonne hauteur, dépendant de comment ton cadre est fait. Si c'est un fil de métal, c'est ça. Il va tout le temps redescendre plus bas. Avec le fil de métal, je pense que c'est le plus dur. Ouais. Parce qu'en plus, si tu le centres, ça ne veut pas dire que c'est la même longueur de fil que l'autre que tu as mis en haut. Fait que ça se peut que ça joue un peu. Là. C'est insupportable. Je trouve que c'est un défi un petit peu trop gros pour mon cerveau. Là. Mais bon, je vais m'engager quelqu'un pour venir me poser un cadre. Ensuite, tiens, on nous suggère, toujours dans les instructions d'assemblage, de seulement manger à la table à dîner. La table de la cuisine. Oui, ben c'est ça, tu me diras pas quoi faire, là. T'es pas ma mère. Donc, on dit de manger tout le temps, même à un endroit désigné pour manger, par exemple, la table de la cuisine ou la table de la salle à manger. Donc, cuisine, on parle de cuisinette, si on veut, c'est une petite table là-dedans. Et non pas dans la voiture, à votre comptoir de cuisine, à votre bureau. Vous avez plus de chances de porter attention à ce qui se passe visuellement autour de vous et de décider. Et c'est ce qui va vous décider, oui. Ce qui va décider pour vous si vous êtes plein. Voilà. Selon une recherche, être capable de voir tout ce que tu as mangé, donc les restants de nourriture sur la table, entre autres, peut t'aider à manger 27% moins lors de tes repas. Quand même! Quand tu vois les dégâts autour et quand tu me regardes manger moi-même le midi, comme mettons hier avec une baguette de pain cuite au four micro-ondes, j'en fais en titi du dégât. Mais... Puis j'arrête-tu de manger? Non. Donc, pas sûr. Le yogourt, là encore une fois, c'est une affaire de perte de poids que tu me diras que ça ne fonctionnera pas, mais quand même, je vous le mentionne, le yogourt peut vous aider à perdre un peu de gras autour du ventre, nous dit-on. Mais de partout. De partout en même temps, c'est sûr. Ouais. Donc, quand tu as du gras dans ton milieu de corps, l'hormone, le cortisol est produite et dit à ton corps de faire encore plus de gras. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à perdre, nous dit-on. Par contre, le calcium dans le yogourt va dire à ton corps de renvoyer le cortisol et la protéine du yogourt va t'aider à brûler tout ça. Aucune idée. Non, aucune idée moi non plus, mais bon, c'est ce qu'on le dit. Ensuite, comment faire de la butterbeer dans Harry Potter? Je sais pas si tu te rappelles dans Harry Potter. C'est de l'air. Ben, ça s'appelle comment en français? La bière au beurre, je pense. Bière au beurre, tu vois. Je suis pas certaine à 100%, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. C'est une très bonne traduction, je trouve, quand même. Donc, on nous dit, pour commencer, de faire fondre le beurre et le sucre. Là, je vais vous dire les ingrédients à l'avance. D'habitude, on ne donne pas les ingrédients très, très définis dans les recettes, donc je ne suis pas habitué de les dire. On a 2 cuillerées à table de beurre, 2 cuillerées à table de cassonade, 1 tasse de lait, 1 cuillerée à soupe. Je crois que c'est soupe, TSP. Tablespoon et il y a TBS et TSP qui les mélangent. Ça, c'est une cuillère à thé. Cuillère TSP. À thé, d'accord. Donc, cuillère à thé d'essence de vanille et juste un tout petit peu un soupçon de cannelle. On dit de faire fondre le beurre et le sucre, donc la cassonade, ensemble pour faire du caramel, bien sûr. Ensuite, tu ajoutes le lait, la vanille et la cannelle pour ensuite brasser, combiner tout ça. Et finalement, tu fais bouillir le mélange et tu verses ça dans une tasse. Très simple, hein? Ça, j'ai vraiment, vraiment le goût de l'essayer. Moi aussi. Ça, les patates, là, je pense que c'est ce que je vais retenir de la chronique d'aujourd'hui. Donc, je répète, faites fondre du beurre et du sucre. Là. Mettez des proportions à peu près approximatives. Là. C'est pas super important. C'est 1 cuillerée de chaque. Là. Donc, c'est beurre et sucre fondus. Ensuite, lait, vanille, cannelle, brassé et faire revenir dans un chaudron. Miam, miam, miam, miam. Miam. Les études nous apprennent que les femmes ont tendance à être plus influencées par l'odeur d'un homme et non par de quoi il a l'air. Plus influencées, je sais pas. Pour l'attirance. Mais... Si un homme sent bon, t'as plus envie d'être autour de lui, selon c'est les sûr. Études. Ben, c'est sûr, là. Si ça sent trop fort ou si ça pue, peu importe de quoi il a l'air, tu iras pas. Là. C'est exact. Une autre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai autant de recettes ce matin? T'as-tu faim? Ah, je sais pas, on dirait. c'est des rouleaux, si on veut, à la cannelle dans un gaufrier. On a parlé la semaine passée de faire ses crêpes, ses mélanges à crêpes dans un gaufrier. Oui, ça ressemblait à ça. Donc ici, on va faire des roulés à la cannelle. Bon, évidemment, on prend une recette traditionnelle de roulés à la cannelle. On roule ça, on tranche ça en tranches assez minces et on met ça dans le gaufrier. Et ensuite, on rajoute du glaçage par-dessus et ça donne l'aspect d'une gaufre et la texture d'un rouleau à la cannelle, parce que tu as vraiment plusieurs étages de cannelle et de pâte. Et ensuite, le glaçage, donc ça donne un combo absolument. C'est fun parce que le glaçage, il reste dans les trous. C'est exactement le bon point, je pense. Ça te fait des espèces de bols à glaçage. C'est vrai. C'est un peu cochon. Ah, tu mets pas de fruits là-dedans, ça va gâcher l'entrée du sucre. Sauf des bananes. Ah oui, c'est sûr. Des bananes, ça, tu peux en mettre partout. Ah. Des fois, la meilleure façon de résoudre un problème, phrase cute ici, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de juste arrêter de te soucier de ce problème-là. Ça dépend. C'est pas mon problème. Ça dépend de quel problème. C'est ça. Si t'as une crevaison puis que tu t'en fous, tu vas juste scraper ton char si tu continues à rouler dessus. Très bon point. Mais quand, mettons, il y a un problème ou quelque chose, peu importe dans ta vie, et que t'as averti la personne qui était concernée ou que tu l'as dit à la personne qui va faire quelque chose puis que finalement il se passe rien, c'est plus ton problème. Passe à autre chose. Voilà. Ensuite. La posture, c'est très important, ça, surtout pour les hommes, parce que les études nous apprennent encore qu'avant même qu'un homme dise un mot, sa posture va compter pour environ 80% de la première impression que la femme va avoir de cet homme-là. Ah! 80% selon une étude. C'est mauvais pour moi et masculiose. Je blâme masculiose pour mais tout, ça paraît même pas. Ça paraît pas tant que ça. Tu trouves pas que j'ai les épaules croches? Ben, honnêtement, non. Avant que tu m'en parles, même quand tu m'en parles. OK, d'accord. Tant mieux! Pour vrai, là... C'est un problème que tu pourrais arrêter de te soucier. Oui, tu vois, bon point, il faut se comprendre, il faut s'écouter soi-même. C'est pas pire, ça. J'aime ça, ça. C'est le truc numéro un. Bon, vis dans le déni. Ça et les patates. Et la bière au bar. Allumez votre ventilateur dans la direction opposée l'hiver. Donc, d'habitude, l'été, vous allez dans un sens, ça vous fait de l'air, vous êtes bien content. Allez-y dans le sens contraire pendant l'hiver, ça va souffler l'air chaud vers le bas et va garder votre pièce plus chaude. Ah! Ah ben, hein! J'arrive pas à dormir avec ce son-là. Ben non. En tout cas, la nuit. Ben non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ensuite, comment enlever des taches de vos souliers? Tu sais, les souliers qui ont la semelle blanche, par exemple. Fait que ça reste pas blanc vraiment longtemps. Rarement. C'est comme j'achèterai jamais ça, tu sais. Mais bon, donc, on dit truc pour enlever les vernis. Les vernis à ongles. Du remover. Du remover. Du remover. Du remové. Remover. Mover, pas mover, hein. Mover. Ok, parfait. Rien à voir avec la couleur mauve, hein? Non? Ben oui, c'est là qu'il l'a inventé. Ah, monsieur mauve! Donc, ça enlève les taches de vos semelles de souliers blanches. Si vous voyez la photo, la différence est quand même assez marquante. Donc, du remover, remover. Ben intéressant, je pense que je vais l'essayer. J'ai des souliers d'entraînement blancs. Ouais. C'est ça, c'est tout. tiens, une autre phrase cute. On en a pas mal aujourd'hui. La vie est une question de choix, nous dit-on. Tu fais une erreur une fois, ça s'appelle une erreur. Tu fais la même erreur plusieurs fois, ça s'appelle une décision. Ah, ça, c'est vrai. Ah oui. Donc, fais pas les mêmes erreurs plusieurs fois. Fool me once, shame on me, comme disait George W. Bush. Shame me twice, can't get fooled again. I can get no satisfaction. Celebration, good time, come on, yo. ne basez jamais vos décisions de vie sur les conseils des gens qui ont dû gérer les résultats de tes décisions. Donc, eux vont peut-être mal te conseiller si tu bases tes décisions sur les conseils d'une personne qui ont eu à faire face aux mauvaises décisions que toi, tu as prises. Peut-être qu'ils vont t'en vouloir et vont donner des mauvais conseils. Ah! C'est ce que le conseil voulait dire, c'est mal expliqué, mais on se comprend. Ensuite, idée amusante pour l'été, tiens. Vraiment très, très, très, très amusante. Tu connais le jeu Twister? Ouais, j'haïs ça. Oui, avec la roulette, main droite sur case, sur rond vert, mettons. Ah, j'haïs ça. Prenez de la crème à barbe. D'accord? De la vraie grosse crème à barbe. Pas les affaires de mousse qu'il faut que tu fasses aller dans tes mains pendant 20 minutes pour que ça fasse de la mousse. Non, non, non. Regarde, on parle de vraie crème à barbe, là. C'est bon. Donc, tu prends aussi du colorant alimentaire. Okay. D'accord? Et tu brasses cette mousse-là pour faire la même couleur que les ronds sur Twister. Ah. Okay? Et tu mets ta crème à barbe donc, sur chacun de ces ronds-là. Et quand tu fais aller la roulette, tu dois te fourrer la main dans de la crème à barbe et ça ajoute quelque chose au jeu. C'est cool, non? Ouais, c'est cool. J'irais peut-être avec autre chose que de la crème à barbe, quelque chose que tu peux manger. Du pudding! Non, mais peut-être quelque chose que si jamais t'en as dans les yeux, c'est pas trop grave. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais c'est une belle idée que je vais conserver. Ouais, et n'oubliez pas, ça dit dans l'image, et il faut que je vous le dise pour faire ma job, ça pourrait tacher les vêtements, donc prenez des vêtements qui vont être pour voilà. Ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, la prochaine fois, vous allez prendre un bain, tiens. Remplissez votre bain, mettez-y 5 à 10 sacs de thé vert, on a parlé de thé vert tantôt, dans l'eau pendant que ça coule toujours, donc pendant vraiment que l'eau est en train de couler. Le bain va faire une détox, ça va comment on appelle ça en français, désintoxication, si on veut, de votre corps. Ça va vous relaxer, ça va donner à votre peau plein de minéraux. Pour les cheveux, ensuite, appliquez du thé vert à vos cheveux aussi parce que ça va calmer les pellicules, ça va réduire la perte de cheveux et ça va augmenter, donc ça va faire pousser un petit peu les cheveux, vraiment sûrement pas beaucoup. Pour le visage, faites tremper des sacs de thé de camomille dans de l'eau et appliquez ça à la peau pendant une minute et répétez aussi souvent que nécessaire ou que vous le voulez. Finalement, tu prends ton bain dans le thé, carrément. Prends ton bain dans le thé. C'est cool, hein? Tu peux en prendre une gorgée si ton bain est propre aussi. Ah oh, ouais. On va en faire un petit dernier avant de passer à autre chose pour l'instant. On verra. Si les pensées, la nuit, vous empêchent de dormir, écrivez-les. Tu sais, on disait un journal intime, mm-hmm. Mais on n'a pas dit ça, en fait. Je dis ça. Mais on excluant la personne qui parle. Exactement. Quelqu'un va parler d'un journal intime à me donner envie. Que ça aide à soulager tes soucis dans la tête. Donc, tu fais la même chose. C'est pas obligé d'être dans un journal. Ça peut être sur une feuille de papier que tu vas brûler ou peu importe. Là. Mais ça va soulager ta tête. Ça va être plus facile de dormir. Mais c'est vrai, juste une liste. Parce que des fois, on se couche et on se dit, oh mon Dieu, c'est fou, je fasse ça, ça, ça, c'est fou. Mais là, tu l'écris. C'est comme, bon, mais je vais m'en occuper demain, là. Ça sert à rien de toute façon, puis je ne l'irai pas, il est écrit. Et demain, qui va s'en occuper? Ben, Stéphanie du futur. Et voilà. Et voilà, Stéphanie du futur, on la salue. Voilà pour les instructions d'assemblage, pour du moins cette portion-là. Plus tard, à l'émission, on est supposé avoir David Ferron en entrevue, en petite performance musicale. Non, c'est pas vrai du tout. Je suis supposé avoir pour faire un coucou, mais en fait, il ne m'a pas confirmé. Donc, sinon, on aura une deuxième partie des instructions d'assemblage. C'est à vous de voir lequel vous préférez, ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce jeudi 1er mai 2014, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Elle est à 2 secondes de manger une cuillerée de yogourt. Peux-tu? Ben oui, vas-y. C'est pas la bouffe de la semaine, mais... Elle... T'as le moustache? Ben, pas le moustache, du rouge à lèvres de Yop. Ben, j'ai genre, fait exprès. C'est pas du Yop. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est Liberté aux fraises. Liberté aux fraises, miam. Ben oui, ben, c'était la fin du thème, ça. Ça valait la peine d'en venir pour la fin du thème, ça, Mathieu. La prochaine demi-heure, en fait, est un petit peu floue en ce moment. Donc, continuons en musique avant de revenir avec autre chose. On verra quoi. Avant ça, une petite anecdote, Steph. Tu viens de dire quelque chose de fascinant. Ouais, ça te tente d'en parler. On a 2 secondes pour en parler, ça te tente? OK, ouais. Oui. La page va revenir. OK. Est-ce que tu peux me dire, Mathieu, quel est l'animal le plus meurtrier de la planète? Qui tue le plus d'autres animaux ou d'humains? D'humains. Okay. Donc, quel animal tue le plus d'humains dans une année? OK. Bon, j'imagine que la première chose que les gens diraient serait peut-être les requins, peut-être les lions qui mangent beaucoup de têtes d'autres animaux. Mm-hmm. Peut-être quelque chose comme un tigre ou un ours, peut-être un quelque ours. Quelque chose de gros. Qu'on voit agressif. Ouais, volumineux, puis tu sais, que tu veux pas. You don't mess with him, tu sais, talk to the hand. Là, ben non. Non. Écoute, je pense avoir surprendre plus d'un. C'est le Christine Maringouin. le maringouin qui va tuer 725 000 personnes par année. C'est à cause du malaria, ça, j'imagine. C'est énorme. Ah, wow. Et le deuxième, bien entendu, c'est l'humain, avec 475 000. Et ensuite, on a le serpent, le chien. Ça, je sais pas c'est quoi. La mouche tsetse. OK. L'assassin bug. Je connais pas ça. Moustique assassin, je connais pas non plus. Un petit insecte dégueulasse. Mais en fait, il y a beaucoup d'insectes. Mon Dieu! L'escargot, qui va tuer 10 000 personnes par année. Ben voyons donc. Ça, je sais pas, c'est qu'est-ce que ça fait. Tué par cutitude? Non, c'est laid un escargot. Ah, alors, ben, dans les films, c'est cute. Ouais, dans les films, dans Turbo seulement, c'est beau. Après ça, on a aussi comme 2 sortes de vers. OK. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est pas le fun. Puis après ça, on tombe dans le plus classique, crocodile. OK. Qui va tuer 1000 personnes. Bah. Fait que c'est pas tant, là, 1000. Non, il gagne rien. Là. Je veux dire, c'est juste le tiers de Capcha. Oui, oui, Capcha. Et ses sentiers de litière. Et sais-tu quel animal tue 500 personnes par année? Non. L'hippopotame! Hein, ton préféré? Oui! Wow! Mon hippopotame, là, oui. C'est super agressif. Un hippopotame, c'est même pas fin. Mais c'est beau dans les films. C'est ça. Là, pourtant, on a le lion avec 100, l'éléphant. Ouais, ça, j'avais dit. L'éléphant avec 100, hein, qui a quand même la même cote que le lion. OK. Ensuite, on a à la fin, on a le loup 10 personnes. Et le requin, 10 personnes. Ah, j'avais quand même le requin et le lion, c'est pas pire. Ouais, c'est un. C'est dans le top 5. Un petit peu à la fin. Ouais, ouais, mais c'est plus facile. Je t'en ai pas nommé 5. Non. Là. Non, ouais. Mais bon, c'est intéressant. On s'entend que Maringo à 725 000 et le requin à 10, il y a une petite marge. À peine. Moi, je la compte pas, ça. Mais tu sais, qui ne tue pas personne? Les vieux hiboux de Catherine Leduc. Qu'on écoute à l'instant. Les vieux hiboux de Catherine Leduc, assemblage requis. Précédemment, dans l'émission, on était en train de faire les instructions d'assemblage et on va y retourner tout de suite parce que ça me manque. Ouais. Pas pour toi? Je suis pas encore pleine d'instructions. C'est ça. Je suis pas saturée. Donc, continuons avec des instructions pour mieux vivre votre vie. Et commençons par les professeurs. Tiens, vous devriez peut-être regarder, vous renseigner sur ce gadget pour tableau qui convertit la poudre de craie en nouvelle craie. Ah? On gaspille tellement de craie dans la vie, donc ça s'installe sur le tableau, bien sûr, et au fur et à mesure que tu écris, la craie se ramasse dans le bas, dans un genre de conduit, si on veut. On remet ça dans la machine qui s'appelle le Chalkeeper, C-H-A-L-K. C-H-E-E-P-E-A. C'est un mélange entre Chalk pour de la craie et Keeper pour aller la garder à jamais, si on veut. Donc, allez voir ça, c'est vraiment cool. Les gardiens de la craie. Les gardiens de la... Oui, c'est comme le gardien de la crypte, mais à la place... De la craie. C'est de la craie. La seule raison pour laquelle une compagnie va te payer dans les 6 chiffres... Hein, tu sais, les étudiants de nos jours, je sais pas, on parlait de ça hier au bureau, les gens de nos jours, on dirait, veulent juste travailler pour le salaire, ils vont être médecins ou peu importe, puis ils se foutent un petit peu de sauver des vies, tout ce qu'ils veulent, c'est le salaire qui va avec, ça. Ah, OK. Des fois. Donc, la seule raison, des fois, pour laquelle une compagnie va te payer dans les 6 chiffres, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire au moins dans les 7 chiffres sur votre dos. C'est une façon de voir les choses un peu. C'est sûr, c'est sûr. Les cordes, les ficelles peuvent tuer vos chats. Ouais. Donc, il va falloir faire attention un petit peu parce que si elle est mangée, la corde, la ficelle, le ruban, la laine, peu importe, peut causer des problèmes intestinaux chez les chats. Donc, pour garder votre chat en sécurité, ne laissez jamais de corde là où le chat peut la prendre sans que vous soyez avec lui pour jouer avec. Tu sais, moi, des fois, j'avais tendance à accrocher une corde à une poignée de... Ah, ben, elle est accrochée. D'armoire. Au moins, elle est accrochée, c'est ça. Mais c'est de s'assurer qu'elle ne se décroche pas. Donc, laissez jamais votre chat seul avec des jouets qui ont une corde au bout. Ça arrive des fois qu'il y a des jouets qui ont une corde au bout. Si vous croyez que votre chat a avalé de la corde, appelez votre vétérinaire immédiatement. Et ne tirez jamais sur une corde qui est accrochée dans la bouche. Ou dans, ça peut être dans l'autre orifice aussi, à l'autre extrémité. Si vous voyez la planète. Corde de la planète. Hein? Uranus. Uranus, exactly. Yeah, thank you. Donc, si vous voyez sortir une corde de l'orifice d'un bord ou de l'autre de votre chat, encore une fois, ne le faites pas. Si c'est bord en bord. Si c'est bord en bord, c'est encore pire. un chat kebab. contactez votre vétérinaire parce que ça pourrait être vraiment très, très dangereux de déchirer quelque chose. Non, mais c'est vrai, des fois, on pense pas à tout ce qui peut être mangé, mais aussi à faire attention. À Noël, il y a souvent, tu sais, les guirlandes, il y a des espèces de petits... Des petits filaments métalliques ou les glaçons dans les sapins. Si votre chat mange ça, ça peut perforer l'intestin. Il faut vraiment faire attention à ce genre de trucs-là. Ça me fait vraiment peur, ces trucs-là. Et ce qui me fait peur aussi, c'est des fois, tu laisses un restant de... Je sais pas, de liquide pour faire du lavage, là, du détergent à lessive, qu'on appelle dans le domaine. Des fois, tu laisses la bouteille vide, tu sais, qu'il y a des coulis tout le tour. Puis là, j'ai l'impression à mon chat, à un moment donné, s'il alliche ça par curiosité, puis ça l'empoisonne. Faites attention. On sait pas. Des fois, ils sont innocents. Ouais. Des fois, ils sont bien brillants, puis ils nous surprennent. Des fois, ils sont vraiment innocents. Tu sais, des fois, on rit ou on chiale parce que les enfants vont prendre les trucs, les petits comprimés pour la laveuse, justement, encore, ou pour la lave-vaisselle. Des petits comprimés là, en petites bulles que tu lances dans la laveuse. Les enfants ouvrent le pot, en mangent, pensant que c'est des bonbons. Parce que ça ressemble à des bonbons, tu sais. Les chats peuvent aussi bien, si vous laissez le pot ouvrir ouvert... Ouvrir le pot, non, puis ouvrir le pot. En prendre comme si mais c'était si des bonbons. Mais si vous laissez ouvert, mettons, ils peuvent très bien en manger aussi. On sait pas, là. Faites attention. Bon, c'est tout. C'est la morale. Mais oui, qu'on les aime, nos petits minous. Mais oui. Tiens, comment profiter d'une cicatrice dans votre vie? Si vous avez une grosse cicatrice à quelque part de visible... Pour vrai, c'est drôle. Le gars a une cicatrice, la personne en tout cas, une cicatrice, juste une ligne, OK? Il s'est fait tatouer Darth Vader avec un lightsaber... Dans la main. C'est drôle. Pas lightsaber, mais le... Saber? Le sabre lumineux? C'est la cicatrice. C'est ça, c'est la cicatrice. Donc, c'est faites cool. Le tatou autre. Cool. Mais je le regarde, là, puis c'est pas un tatouage, c'est un dessin au stylo. Ouais, non, je pense à raison. Il est un petit peu cheap. Mais l'idée est bonne. Il devrait se le faire tatouer, mais en mieux. Peut-être que c'est l'effet dessiné, avec celui dessiné là ou fait dessiner, justement, pour pouvoir tracer par-dessus. Après, là, avec un tatouage, on sait pas, là. Ensuite, les filles, t'sais, un vrai produit, on aurait pu le faire dans la chronique Sex, mais ça devrait pas, on l'a, mais comme j'ai pas le lien vers le produit, tout ce que j'ai, c'est l'image ici, c'est qu'il y a un produit qui empêche le camel toe. Okay? Donc, c'est vraiment pour empêcher... Le camel toe, pour ceux qui savent pas en anglais, c'est la craque de votre entrejambe féminin Parce devant. Parce que ça fait des orteils de chameau. Ça ressemble énormément à ça, si vous les mettez côte à côte. Donc, c'est juste une plaque. Ça ressemble à un siège de bicycle, honnêtement. Ouais, vraiment, c'est vrai. La forme. Ça doit être plus mince, j'imagine. Un petit peu plus mince, couleur pêche, chair. Mettons beige, ou ouais, chair de personnes qui ont cette chair-là. Vous mettez ça dans vos bobettes et ça cache votre camel toe. Si vous achetez un sac de café Starbucks et que vous ramenez le sac vide, ils vont vous donner un café gratuit de 12 onces. Non. Apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. J'ai jamais essayé, mais pourquoi ne pas l'essayer? Un sac de café Starbucks vide, c'est cool. J'habite complètement buzzin. J'habite à côté d'un Starbucks. Pour ça. Eh ben, mauvaise idée. Mauvaise idée, pas mal. Toujours dans les instructions d'assemblage, il nous reste un bon petit paquet à faire quand même. Technique anti-triche pour les professeurs. J'adore, je tripe bien raide sur l'idée derrière ce truc-là. Sur le tableau, le professeur, ou la professeure, fait des lignes à une distance, bon, de quelques centimètres chaque, donc des lignes tout le long du tableau, mm-hmm. Écrit le nom de chacun des élèves dans chacune des cases, et les élèves doivent mettre leur téléphone cellulaire devant leur nom sur le tableau. Tu comprends? Ah. Donc, ils peuvent pas tricher pendant l'examen parce que le téléphone est dans la case de la personne appropriée sur le tableau. Ouais, mais admettons que t'as pas de cellulaire. Ben, la case est juste vide, là. Ouais, puis admettons que t'en as un, puis tu fais à croire que t'en as pas. Ben, je pense que le professeur, étant donné que tu dois t'en servir pas mal tout le temps dans la classe, ouais, les gens qui ont pas de téléphone doivent vraiment... Ça doit paraître dans une classe de nos jours, non? Ceux qui en ont pas, là, ils sont j'imagine, mais en fait, part. Ils doivent pas avoir le droit de le sortir de toute façon. Je sais pas. Mais c'est ça, peut-être qu'il y a des professeurs qui sont un petit peu plus lousses avec ces règles-là, sauf pendant les examens. Ben, ça doit être long, écrire tous les noms de même sur le tableau. Écris-moi. Écris-moi. Tu les laisses écrits là toute l'année, puis t'écris tes affaires sur le tableau normalement. Ben oui. Ah, ouais, ça. Ah, ça peut être des initiales, on sait pas. Tiens, la prochaine fois que vous vous dites que vous n'avez pas de temps pour laver votre visage avant de vous coucher. OK. Tu sais, j'ai pas le temps, là. Ça prend 2-3 minutes, mais j'ai pas le temps. Faut jamais me coucher, je suis fatigué. Hein? Ben oui, ben oui. Donc, saviez-vous, hein, que cette petite bestiole en photo sur assemblagerequis.com a 8 pattes qui vit dans les pores de votre peau et qui n'arrête pas de faire de plus en plus d'huile, de graisse sur votre face, cette petite bestiole-là, c'est ça que vous lavez quand vous lavez votre visage. Ah! Évidemment, ça marche un petit peu moins bien à la radio et que vous n'avez pas le visuel, mais dites-vous qu'il y a une petite bestiole en forme de ver de terre phallique sur votre face. Ah, j'ai vraiment un haut le cœur, j'ai tellement le goût d'aller me laver la face. C'est ça, c'est pas le genre de phallique que tu veux dans ta face. Non. ensuite, comment faire des crêpes sur bâton? Oh. Tu sais que tout est meilleur sur bâton? Oui, oui. Sauf quand t'as un balai dans les fesses. Franchement. Ah, comment, ça va même trop loin. Ah, là. Franchement. Ah, non, une blague, là. Vous allez donc bien loin, nous dit un cobaye qui est venu assister à l'émission hier. Mais il a dit, c'est le fun, vous allez tellement loin que je vais me permettre des choses. Peut-être que je le regrette maintenant d'avoir fait ça. Donc, faire des popsicles de crêpes, tiens, c'est super simple, pour vrai, c'est vraiment idiot même, là, c'est de prendre des bâtons de popsicles de n'importe quel autre bâton que vous avez acheté, de suçon peut-être? Ouais, de suçon. Ouais. C'est ça. Donc, vous commencez à faire cuire la crêpe, vous insérez le bâton dedans, directement dans la poêle, et ça fait des suçons à crêpes. C'est vraiment cave, là, on s'entend comme conseil, là. Ouais, en fait, ouais. C'est poche même. Moi, par contre, j'irais plus loin. Je sais pas si ça fonctionnerait, là. Mais pour vrai, je ferais ces petits suçons-là à la crêpe. Probablement, je les ferais plus épais un petit peu que ça parce que je trouve qu'ils ont l'air mince un petit peu. On voit le bâton au travers. Là. Je vais pas voir le bâton quand je mange un popsicle. Bon. OK. Mais oui, t'essayeras de faire de la pâte à crêpe bien épaisse. Peu importe. Je tremperais ça dans du sirop d'érable. OK. Et je sais pas si on pourrait peut-être le faire refroidir dans quelque chose pour que ça prenne une consistance un petit peu plus. Puis après ça, tu pourrais licher ton sucre d'érable ou peu importe, et puis après ça, manger la crêpe froide à l'intérieur, non? Je pense pas que tu peux faire congeler du sirop d'érable comme ça. Ça va pas faire une croûte de suçon autour, là. OK. Ça devient slushy, mais ça gèle pas plus que ça. OK, je me demande comment ils font pour faire de bord des suçons. C'est une autre technique complètement. Ben oui, ils font bouillir, là, ça change de consistance. Ouais. C'est un peu le même principe que pour faire de la type, là, tu vas le mouler dans des suçons. C'est pas congelé, okay. C'est bouilli. Ah, d'accord. C'est comme une coche au-dessus de bouillage. Tu sais, t'as l'eau d'érable. Là, après ça, t'as le sirop, mais t'as sûrement d'autres choses entre les deux. Pour ça, t'as de la tire, puis après ça, tu peux faire du beurre d'érable, dépendamment. Je connais pas les températures, mais c'est tous des processus de bouillage. Ah, que j'ai faim. On nous dit de mettre ces bas culottes dans le congélateur pour les faire durer plus longtemps. Ah. Simple, mais je sais pas si ça fonctionne, mais ça a l'air drôle, ça. Ensuite, les gens qui aiment plus les chiens versus les gens qui aiment plus les chats. Okay? OK? Donc, on a dit que les gens qui aiment plus les chiens sont un petit peu plus extravertis. OK? Je comprends pas la différence en anglais. OK, tu me diras, toi, si tu comprends la différence entre a little more outgoing, ce qui veut dire un petit peu plus extraverti, OK? Et more extroverted, plus extraverti. Tu trouves pas que outgoing puis extraverti, c'est pas mal la même chose, il me semble? Mais bon. Non, mais outgoing, je pense que c'est plus d'être entouré de gens. Peut-être. Mais extraverti, c'est plus comme... Tu fais le fou, puis... Crier. OK, parfait. Crier. C'est comme être en génie, puis de crier partout dans le couloir. Hé, au récréo. Donc, les personnes qui aiment les chiens sont aussi plus d'accord avec les gens. Tu sais? OK. OK. Sont plus névrosés. Ils sont moins névrosés, j'ai mal lu ici. Ils sont plus consciencieux. OK. Parfait. Les gens qui aiment les chats sont un petit peu plus, bon, introvertis. Ils vont plus être éloignés des autres. Ils vont être moins traditionnels. Donc, ils vont peut-être aimer la musique un petit peu plus différente des autres. Ils vont être un petit peu plus rebelles. Ils vont être plus créatifs. Ils vont être plus névrosés. Donc, par rapport à l'autre qui était moins névrosé. Plus ouvert. Donc, va... ouvert d'esprit, va parler de peut-être plus de choses avec les gens, va être prêt à débattre et voilà. Effectivement, okay. Je pense que je correspond plus à la version Cat People. Et j'ai un chat, puis... Me too. Ouais. Yeah. Ben, c'est ça. Ben, j'imagine que les gens qui aiment les chats sont plus du genre à s'entendre aussi, peut-être. Penses-tu? Je sais pas. Peut-être. Penses-tu les Cat People et les Dog People, c'est comme le chien et le chat peut-être. En tant que tel, puis là, ils se battent. C'est ce que je pense. Et tu sais, la catégorie personnes à chat et les personnes à chien, moi je pense que ça peut aussi inclure par exemple les bunny people, les gens qui aiment les lapins, sont du côté plus chat que du côté chien. Je crois que c'est clair, là. Oui. Tu sais? Oh oui. C'est ça. Oh oui. Un life cheat, encore une fois, un autre truc pour vivre votre vie, pour nettoyer votre toilette à chaque fois que vous flushez. C'est de faire un trou dans au-dessus d'une bouteille de vinaigre et de mettre la bouteille dans la toilette, dans la tank. Donc, on parle de la grosse, pas la cuvette où vous faites vos besoins, là, mais ce qu'il y a en arrière de ça, il y a un nom pour ça, je me rappelle jamais. Le réservoir. Le réservoir d'eau, voilà, comme le film, le réservoir d'eau. tu mets une bouteille de vinaigre avec un trou. Dans le bouchon. Donc, pas en dessous, mais dans le bouchon. Vous mettez ça à l'envers. Donc, en faisant ça, vous allez économiser de l'eau. Parce que le réservoir ne se remplira pas autant. Parce que la bouteille va prendre la place. OK? La bouteille de vinaigre. OK? Mm-hmm. Ensuite, le vinaigre va nettoyer votre toilette. Et la tank, le réservoir, à chaque fois que vous flushez. Et ça va faire que votre salle de bain va sentir un peu meilleure. Moi, tu vois, j'aime pas ça vraiment l'odeur du vinaigre. Ça va pas être dilué avec l'eau pas mal, tellement que ça va pas vraiment sentir un peu comme quand tu laves tes miroirs avec de l'eau diluée avec du vinaigre. Ça sent pas tellement le vinaigre. Ben, je sais pas, je lave pas mes miroirs avec de l'eau diluée dans le vinaigre. Mais ça se fait. Ça se fait. Bref, et ça ne fera pas, ça causera pas de problème de plomberie ou rien à votre toilette. Et l'environnement non plus ne sera pas touché. Un petit conseil comme ça. Allez toujours magasiner lorsque vous avez votre voiture pour aller magasiner dans la pluie. Personne ne veut négocier dans la pluie. Par exemple, si on va magasiner pour une... Excuse-moi, j'ai mal fait ma phrase. On va recommencer ça, c'était aucunement logique. On recommence à zéro. Allez magasiner pour une voiture lorsqu'il pleut. Ils n'ont pas à les magasiner en voiture lorsqu'il pleut. Est-ce que je comprends? Donc, okay. Vous allez magasiner pour une voiture alors qu'il pleut. Personne ne veut négocier quand il pleut. Le processus va être beaucoup plus rapide. Tout le monde va vouloir retourner chez eux. Donc, à la fin, ça va fonctionner pour vous. Vous allez payer moins cher de voiture. Bon. Wow. Si vous allez être... Tu sais, si vous êtes pour être bizarre. Tu sais, les gens bizarres. On a tous des gens bizarres dans la vie. Ben c'est, oui. C'est pour être bizarre, là. Aie confiance en toi, dans ta bizarrerie. Ouais, assume-toi. Assume-toi. Si tu t'assumes, personne ne va te juger. David Ferron, assume-toi. Assume-toi. Ah ben non, on le juge pareil. Moi, ouais, ben, on juge au moins avec lui. Là. Ah, oui. On le juge pas dans son dos. Non, c'est jamais on vraiment gêné. On le juge dans sa face. Oh, oui. Comment? ensuite, un conseil pour mesdames qui portent les cheveux un petit peu plus longs. Il y a des gars aussi qui portent les cheveux plus longs. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. C'est un petit peu moins joli chez l'homme ici. Donc, d'insérer des bob-épines dans votre petite queue de cheval. Donc, vous les mettez verticalement. La photo va vous l'expliquer sur assemblagerequis.com, mais les bob-épines sont insérées verticalement en dessous de la queue de cheval jusque dans votre derrière de tête. Et après ça, bon, ça va faire que ça va monter votre queue de cheval un petit peu. Ça va faire un look plus volumineux, un petit peu plus rempli. Ah. Ça donne un très beau look avec un élastique ou peut-être pas un élastique ou quelque chose qui tient les cheveux là, par-dessus, qui cache la bob-épine évidemment, et la bob-épine à la verticale. Ensuite, façon très facile, si vous êtes en manque d'un socle pour votre iPhone ou votre téléphone cellulaire, peu importe, et que vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un et que vous voulez pas avoir à tenir un téléphone dans vos mains, prenez une paire de lunettes de soleil. Hein? Croisez les pattes comme pour les fermer normalement. Pour faire un support. Un support, vous mettez votre téléphone sur les pattes des lunettes et les lunettes en tant que telles, les vitres vont servir de stopper. Ben oui, c'est pas bien. Fou. C'est même ça marche très bien en fait. Génie. Si vous êtes pour acheter un téléphone avec des haut-parleurs, peut-être des haut-parleurs ou même des écouteurs, quelque chose qui va sortir du son, testez-les avec la chanson Bohemian Rhapsody. Parce que ça a tous les highs et les lows. Les faibles, les hautes, les basses, les ci et les ça. Dans plusieurs instruments et dans plusieurs voix. Donc, vous allez pouvoir tester la gamme, peut-être pas complète, mais une plus grande gamme de sons. C'est intéressant, parce qu'en plus, c'est vraiment bonne, la tour. Mais hein! Un classique. Mais hein! J'aime tellement Queen. Ah, c'est vrai que c'est bon. Je me demande si c'est passable ici, ça. C'est ça? Queen? Non? Oui, ben Queen. Oui. Oui, Queen, oui, mais la chanson en tant que telle? Je sais pas. C'est très, très connu. Je vais y penser. On a déjà fait jouer du Queen. Ouais, c'est ça. As-tu une autre chanson de Queen à me nommer qui serait pas Bohemian Rhapsody que je préfère jouer? Avant la fin de la chronique, mettons. Ben oui, j'en connais plein, mais okay. Mon Dieu. Ben c'est tout des gros, gros classiques. Ouais, là. Je sais. En tout cas, bref. Faites tremper vos Oreos, vos biscuits Oreos, dans du... attends un peu. Dans du lait. Ouais. C'est quoi du Hafenaf? C'est de la crème moitié, à café. Moitié-moitié. Ouais, je pense que c'est ça. C'est légère. Mais c'est comme moitié lait, moitié crème. J'allais dire moitié café. C'est ça. Ça, c'est un latte. Ouais. donc, bref, vous faites tremper dans de la crème moitié-moitié. Vous les mettez sur du papier ciré dans le congélateur. Et dans une heure, chacun va devenir un mini sandwich à la crème glacée. Mou. Ah? Et tout délicieux. Pour vrai, ça a l'air bon, hein? Ouais, intéressant. Dans du moitié-moitié de la crème à café. Mais c'est pas moins compliqué d'acheter juste des sandwichs à la crème glacée? Oui. Mais dans une boîte d'Oreo, t'imagines combien t'en as de petits sandwichs à crème glacée? Mais il y en a beaucoup dans les boîtes aussi de sandwichs à crème glacée. C'est 3 piastres, là. Ben, les Oreo, c'est combien? C'est 3 piastres au moins une boîte? Ouais. Bon. Ouais. Tu sauves du temps, puis t'as même pas besoin d'acheter à la crème. T'as raison. Mais en même temps, tu fais rien toi-même, là. T'sais. Qu'est-ce que c'est? Tu mérites, là. Tu peux bien parler de mérite, toi, ouais, dans la cuisine. Parce que je dis pas ce que je fais, c'est ce chronique-là. Je pense qu'on aurait pu l'appeler comme ça. Hein. S'il y avait eu une chanson qui disait « Faites ce que je dis, pas ce que je fais », je l'aurais peut-être pris. Pilez jamais sur une araignée. Ne pilez jamais sur une araignée. Est-ce que vous m'avez bien compris? Parce que, et là, vous allez voir pourquoi. C'est dégueulasse. Premièrement, c'est dégueulasse. Vous pourriez piler très facilement sur la femelle avec des œufs. Et les œufs vont coller à vos souliers. Et les œufs vont ensuite éclore dans votre maison. Est-ce qu'on se comprend? Les œufs collés sur votre soulier? J'ai comme plus faim. Non, c'est ça. Mais bon, gars, je vous l'ai dit. Hey, les bibites de face, les œufs d'araignée. Hey, je m'excuse. Bon appétit. Si vous prenez le numéro de téléphone de quelqu'un lors d'une fête ou d'un rassemblement de gens que vous connaissez pas nécessairement, tu sais, les gens amènent des gens que vous connaissez pas, vous voulez revoir cette personne-là peut-être, c'est genre. Prenez une photo avec cette personne-là. Juste bien normalement, une photo, un selfie, peu importe, et demandez l'heure à eux de vous l'envoyer. Ah, c'est pas fou. Pas fou, hein? T'as le numéro de téléphone et t'as la face qui va avec. Ah, envoie-moi là, man. Là, il va te dire, ah, mais j'ai un iPhone, AirDrop. Non, j'ai pas AirDrop, moi, c'est désactivé, je crois pas à ça. C'est pas dans ma religion. Non. Message texte, man. MMS. OK. Ensuite... recycler de vieilles ampoules en les changeant en mini vases pour les fleurs. Regardez comment c'est joli sur la photo sur assemblagerequis.com. On a pris, je sais pas si c'est une grosse bague ou quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment une bague, peut-être pas une bague pour le doigt, là, mais une bague, tu sais. Peut-être pour les napkins, les serviettes de table en tissu. Là. C'est bon. Ça, merci. Ça me fait plaisir. Donc, c'est la petite anneau qui va autour de ça, la bague, l'anneau. Donc, l'ampoule est à l'envers. Donc, ce qui serait ce qu'on utilise comme pour visser là, directement dans l'anneau. Et ensuite, on a enlevé le dessus. On a gardé le petit truc en vis là, qui visse dans le socle. Je crois que ça s'appelle le serrant. Le serrant? Je pense que oui. Comme du serrant rap, là? Ben... J'ai fait la même joke quand j'ai entendu ça. C'est ça. Donc, on a enlevé mais on n'a pas enlevé le serrant. Le truc qui visse est resté là. C'est seulement le dessus avec la petite pinouche qui touche au contact. Là. Et on met les fleurs dedans, dans de l'eau, dans l'ampoule. Évidemment, c'est super fragile. Faites vraiment attention. Surtout des ampoules dans le pied, ça ne doit pas être bien plaisant. Yep. Mais bon. Une solution de bottes pour les personnes un petit peu plus... Je vais l'avoir. Les personnes un petit peu plus petites. OK. Premièrement, ce gars-là est un petit peu plus petit que la moyenne et s'est acheté un gros pick-up. Donc, il a besoin de laver son toit de pick-up. C'est les Strap Work Boost. Ça ressemble un petit peu, tu sais, au truc qu'on utilise, les grosses bottes qui permettaient de sauter dans les airs oui, dans le temps. Des années 80. Exact. Ça ressemble à ça, c'est achetable, c'est comme des genres de on dirait des sauts à l'envers. Et tu peux insérer... c'est vraiment pas beau. C'est pas très beau, c'est bleu. Tu peux insérer tes souliers, tes pieds dans les straps, les bandes qu'il y a sur le dessus. Et tu peux marcher comme à la normale, mais comme une espèce de moron, là, pour laver ton toit de ton pick-up. Ou engage-toi quelqu'un pour le laver. Non, mais c'est clair que tu vas te planter solide. C'est certain. Je pense qu'on va arrêter là pour les astuces d'assemblage pour aujourd'hui. Oh, ouais. Il en reste quelques-uns. Je ne vois pas François André dans la fenêtre, mais je ne veux pas le faire attendre au cas où qu'il soit à côté, pas devant la fenêtre. Tu comprends? Hein? C'est comme ça. Ça se passe. Donc, dans quelques instants, François André, Logocratie 101. On va parler, en fait, son titre, c'est aussi Logocratie 101. Donc, on va faire ça tantôt. Pour l'instant, on écoute une pièce de Queen. Comme j'ai pas envie de vous faire entendre le classique Bohemian Rhapsody, parce que vous l'entendez sûrement partout ailleurs, une de mes pièces préférées à moi, est-ce que je peux la choisir? Pourquoi pas? C'est Don't Stop Me Now. Je l'adore, cette chanson-là. Parfait. Je l'adore. Elle est sûrement aussi connue, mais une coche de moi. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stop! collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb. About to oh, oh, oh, oh, oh, oh, explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman. Don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. A good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. To have a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Queen, évidemment, avec Don't Stop Me Now. Au retour, Logo Cassie 101 avec François Landry. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, ce jeudi 1er mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah, le mois de mai qui commence en pluie ce matin, c'est tellement plaisant. Tellement plaisant. Hey, tu te prends-tu pour Mets tes bottes. Ben, le gars qui met les choses à la bonne place dans nos têtes, mettons. Tu sais, hein? Puis qui aime les bottes, j'imagine. I like big bottes, c'est dans quelle Mettons, oui, mettons. C'est François Landry qui vient nous parler de politique et comme à chaque semaine, c'est la dernière chronique de la session, malheureusement. Donc, accueillons-le sans plus tarder. Voici Logo Crassus 101. On a une chanson de Kanjo. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Hey oh François Landry, hey, hey oh François Landry. Si vous aimez François Landry, tapez des mains. Si vous aimez François Landry, tapez des mains. Ok, ça c'est. Donc bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. C'était court comme chanson. Ah, c'était bien. Donc le thème de ta chronique aujourd'hui porte à confusion, en tout cas pour moi. Oui, j'ai vu ça, oui. Ça m'a fait penser, c'est la dernière chronique ever, parce que tu l'as appelé Logo Crassie 101. On a eu peur. On a eu peur. Vous avez eu peur. On dirait le mot de la fin. T'sais, c'est le résumé de des 5 ans de chronique. On se dit au revoir, je quitte par la chose au sommet. Plus que ça, 5 ans. Non, 5 ans. 5 ans. Okay, il n'y a pas de T à la fin, 5 ans. Voilà. Non, on a commencé à l'automne 2009, donc ouais, environ 2009, 10, 11. C'est pas mal ça. Donc, François Landry, pourquoi est-ce que tu as appelé ça Logo Crassie 101? Je vous comprends. Parce que les élections sont terminées. Hein? On a un gouvernement libéral pendant 5 ans. On s'est fait bourrer le crâne pendant 30 jours avec des phrases creuses qui voulaient absolument rien dire sur pourquoi se faire élire, pourquoi on est meilleur que l'autre, blablabla. Et là, maintenant qu'ils sont majoritaires, on va se faire remplir la tête pendant 4 ans de phrases creuses et pourquoi on est meilleur que l'autre, blablabla. Donc, je me suis dit, on va finir sans beauté, à la place, on va rire d'eux autres. Ben oui, ils ont creusé, on se ramasse avec du sable dans les fesses. Fait qu'on va rire d'eux autres. Oui, exactement. Donc, je me suis dit, je vais regarder ce qui se fait en France, je vais regarder ce qui se fait au Québec en tant que logocratie. Hein? Ah. Mathieu, tu te souviens de ce qu'est la logocratie? Ben oui. Vas-y. C'est à chaque fois à chaque année. Demande. Ouais, ouais. OK. C'est de dire des choses aux gens qui vont être que tu veux qu'ils les interprètent d'une certaine façon. Donc, tu contournes un petit peu la réalité. C'est comme un peu de la langue de bois, mais c'est d'essayer de faire croire des choses aux gens. Pas en leur mentant, mais presque en leur mentant. Manipuler la langue française. En manipulant la langue française. Voilà. Ouais. Pour gouverner, donc, ouais. D'où le mot crécy. Donc, crécy, le pouvoir. Logo, donc, jouer avec la pensée. Pour pouvoir influencer la population. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait une petite compilation de ce qui se fait en France et au Québec, puis on va voir que, malgré qu'on soit une colonie française encore, hein, on n'est pas si arriéré que ça. On est top niveau avec eux autres. Donc, en France, les documents officiels n'évoquent pas toujours l'avenir des jeunes. Ils se préoccupent plutôt de leur devenir citoyen. Leur devenir citoyen. Ce n'est pas l'avenir des jeunes, c'est leur devenir citoyen. C'est comme les enfants sont de futurs fumeurs pour les compagnies de cigarettes. Non? Voilà, les futurs clients. Voilà. De même, l'école ne donne pas une éducation semblable à tous les élèves. Elle bâtit du commun. Oh. Hein? Oui. Bâtit du commun. Voilà. Donc, on donne pas de l'instruction aux enfants, on donne pas de l'enseignement, on bâtit du commun. Du commun des mortels, comme genre juste des gens, on bâtit. Ou genre, oh, on voilà. En fait des moutons. Oui, genre. C'est ça. Qu'on se le dise, les politiciens modernes ne promettra pas de lancer des projets sous peine de passer pour un dinosaure échappé du parc jurassique. Écoute, il s'engagera à produire des possibles. Produire des possibles. Ça fait plus sérieux quand même. Hein? Ouais, ouais. On lance pas des projets, on produit du possible. Ben, ça a l'air d'être du vent, tu sais. Ben, des possibles. C'est, voilà. C'est okay. Donc, personne ne va pouvoir te dire tu n'as rien fait. Ah, ben, nul n'est possible envers l'impossible. Je ne sais pas trop quoi le dire. Dans son propre pays. Voilà. En matière de jargon, il n'y a pas de petit combat. Le ministère des droits des femmes, en France, il y a un ministère juste pour les droits des femmes, voulait même remplacer l'expression égalité homme-femme par égalité femme-homme. Ça me rappelle, et on en. Sérieux, moi, quand je vois des affaires comme, tu sais, un mot va être écrit au masculin, il peut avoir le E majuscule parce que la femme doit être plus importante après des années d'oppression, tu sais. Je trouve que ça fait laid et je trouve que ça fait comme pas égal pantoute de mettre le E en majuscule dans le mot, tu sais. Moi, je préfère mettre des tirets. Mais oui, des tirets. Des tirets. Ça fait mieux qu'une parenthèse, parce qu'une parenthèse, oui, fait comme parenthèse si... c'est on exclut la femme, ça? On la met de. Oui. Exact. Alors qu'un E majuscule, ça fait comme que les femmes sont meilleures que les hommes. Fait que tu sais, égalité, trait d'union, tiret, c'est j'ai peut-être l'air zéro féministe, mais je préfère quand c'est juste écrit au masculin, le texte est allégé et on est capable, avec notre bonne déduction, de comprendre que c'est généraliste. Oui. Ben, moi, je considère ça comme ça. Je pense que les deux méthodes sont bonnes, soit juste garder le masculin ou les traits d'union. Donc, les Français disent que l'explication officielle, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que la femme soit toujours deuxième. Non. Bon, okay. Ça, c'est une raison officielle. Mais il n'y a pas plus de raison qu'elle soit première. C'est ça. Va voir en France. Hein? C'est okay. Ça. En franc. En franc. J'enlève le. Voilà. Pas le. Un majuscule. Un majuscule. En français. Au passage, vous prendrez note qu'une femme n'est plus enceinte en France. Elle se trouve dans un état de grossesse médicalement constaté. Ah, quoi? Hey, c'est comme de dire qu'un gros, c'est un handicapé horizontal. Là. C'est la même chose. Là. J'y arrive, Mathieu. Ah, pour vrai, excuse-moi. Okay. Je te pile ces punchs. Voilà. Non, ben, je le répète, hein, France, une femme n'est pas enceinte. Elle se trouve dans un état de grossesse médicalement constaté. Oui, mais si elle est enceinte sans le savoir, ça veut dire que. Elle n'est pas constatée. C'est comme un ovni, c'est un objet volant non identifié. Voilà. Elle a un corps. C'est une femme enceinte non constatée. C'est ça. Un corps grandissant non identifié dans mon ventre. À l'horizontale, toujours. Et plutôt que de reconnaître tout bêtement que les couples homosexuels ne peuvent pas procréer, 5 sénateurs français ont décrété qu'ils sont confrontés à une infertilité sociale. C'est grave, hein? Ah, mon Dieu! Oui. On se croirait revenu à la glorieuse époque au cours de laquelle un humoriste décrivait les obèses comme des personnes confrontées à un défi horizontal, Mathieu, comme tu le disais si bien. Donc, c'est peut-être toi l'humoriste là-dedans. Le Québec... Il aurait pas été si drôle que ça, c'était lui qui l'avait sorti. Alors, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé. Non, OK. Au Québec, on n'est pas en reste. Hein? Là, on a fait la France, maintenant on fait le Québec. Ailleurs, on réfléchit. Au Québec, on mobilise des savoirs. Oui. Quand on y pense, c'est fou la quantité de problèmes qui disparaissent instantanément grâce à la touche magique de la langue de bois. Par exemple, on ne ferme plus des écoles ou des bibliothèques. Désormais, on transfère des clientèles. Ah oui. Nuance. OK, vers d'autres endroits. Voilà. Pour fermer celle-là, mais on ne dit voilà, pas. Non, on ne ferme pas, on transfère, Mathieu, on transfère. Dans la même manière, Poste Canada n'abandonne pas la livraison du courrier à domicile dans les grandes villes. On se détrompe hein, là-dessus, il faut se détromper. La société amorce la transition à des boîtes postales communautaires. Oui, pour le bien-être des citoyens voilà, qui vont devoir... Voilà, du commun en devenir. Oui, oui. C'est signe du miracle. Les écoles ne sont plus situées dans des quartiers pauvres. Elles se trouvent quelque part sur l'indice de défavorisation. Ah, OK. Voilà. OK. C'est pas un quartier pauvre. On pourrait dire aussi les premiers quartiers. On pourrait dire. Tu sais, mettons. Ben oui. C'est ce qu'ils disent, premièrement. Il y a trois vers les premiers quartiers, c'est des quartiers pauvres. Voilà. Les élèves ne sont plus handicapés. Non. Ouais, c'est méchant de dire ça. Ils présentent des besoins particuliers. Besoins particuliers. Ça, on l'entend tellement souvent au bulletin de nouvelles. Des enfants avec des problèmes particuliers. Je sais pas, on sent que... Tout le monde est particulier. Tout le monde a un problème particulier. Mathieu, il y a des... Je suis très particulier. Il y a un problème particulier. Oui. Il est Mathieu. Il est pas handicapé pour autant. En tout cas, je pense. Pas pour l'instant. Il n'est pas encore constaté. C'est ça, pas encore. Stéphanie m'a pas donné encore le bon coup de pied à la bonne place. Il va m'handicaper le reste de mes jours. Quelques précautions s'imposent tout de même. Ainsi, il apparaît utile d'insister sur la pollution engendrée par l'agriculture. Imitez plutôt le ministre de l'Agriculture qui la classe comme une externalité négative. Ça veut rien dire, ça, t'as vu? Voilà. Une externalité négative? Oui, c'est de la pollution agricole. OK. OK. Aïe, aïe. Voilà. C'est comme la pollution sonore pour le bruit. Oui. Et grâce à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, les travailleurs ne sont plus invalides. Ils sont chronicisés. Hein? Voilà. Chronicisé, c'est comme quand c'est une chronique, ça, non? Non, c'est ouais, c'est ça, tu viens de nous chroniciser. Ouais, donc je suis un malade mental dans votre studio. Clairement. Voilà. Une mention d'honneur à l'ancienne ministre Marguerite Blais, qui voulait en finir avec l'expression 65 ans et plus. Ouais. Elle a plutôt imaginé l'expression 65 ans et mieux. Bon, franchement. Voilà, 65 ans et mieux. Fait que donc, c'est plus t'es vieux, mieux c'est pour elle. Voilà. OK. Voilà. Parfait. Mais bon, les Olympiques de la langue de bois ne sont pas à leur premier stade. Hein? En France, les routes et les courbes dangereuses sont décrites comme des endroits accidentogènes. Et ça, je l'ai entendu au Québec cette semaine. Avec l'accident sur le pont, là, la cycliste qui est morte, écrasée. Là. Les procureurs parlaient d'un endroit accidentogène. Mais c'est juste dangereux. C'est une place qui est à risque. C'est bon. Au Québec, le ministre des Transports recense des sites à potentiel d'amélioration. Ça, c'est des affaires qui sont brisées puis qu'il faudrait réparer sur ta potentiel d'amélioration. Voilà. Okay. On pourrait mettre le Québec au complet là-dessus. Ouais. Hein? On est tous, on vise tous l'amélioration. Donc, le Québec est un site à potentiel d'amélioration. En France, une mairesse décrivait les parents comme des acteurs impliqués dans la conception. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement parents biologiquement de sang et tout ça. Donc, ils sont impliqués dans la conception. Ils participent à... Donc, les mères porteuses ou les procréations assistées ou les femmes médicalement constatées enceintes sont impliquées donc, dans la conception. On va censurer ton mot enceinte que tu viens de dire là pour la raison. C'est vrai, on n'a plus le droit. Au Québec, l'administration évoque plutôt des gens qui vivent une situation de parentalité. Wow. Je ne suis plus un parent, je suis dans une situation de parentalité. C'est parenthèse, ma vie est parenthèse. Voilà. Ma vie est une parenthèse. Donc, à la lumière de tout ça, faut-il conclure absolument à un vainqueur? Hein? Un vainqueur, ce serait donc une personne en situation de possiblement gagner... Ou un hystérique à la une du 7 jours. Hein? Disons ça comme ça. Non, pour l'instant, dans ce duel de titans, le Québec arrache une spectaculaire deuxième place. Et la France se classe avant-dernière. Okay. Hein? À moins que ça ne soit l'inverse. Mais je vous laisse déterminer ce qui convient le mieux à notre orgueil national, qu'il ne faut pas confondre avec le « nous » inclusif, le « nous » exclusif et le « vivre ensemble ». Sans oublier l'hypoténuse de triangle rectangle qui équivaut au carré de la somme des « ah » puis de la « hein? Je déclare qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans, il y a juste des perdants, et le perdant, c'est nous, le pauvre peuple qui écoute des politiciens. Wow. Comment on est supposé prendre une décision éclairée quand on n'est pas capable de comprendre? Il faut que tu ouvres la lanterne cervicale qui te sert de... d'extension corporelle. Qu'on appelle aussi un... cerveau. Wow, tu vois, on est capable de comprendre quand on écoute correctement. Voilà. On peut se rendre, mais il y a des mots là-dedans qui veulent tellement rien dire. Tout à fait. Accidentogène, sérieux. Non, accidentogène. N'importe. Ben, malgré que ça, on peut comprendre. Oui, oui. Comme de l'allergène, tu sais. Ouais. Ou de la lumière allergène. En tout cas. Ouais. Ouais. Ça finit bien, ça, je trouve. Pas pire, hein? Oui, c'était très bon. Logocratie 101, la chronique éponyme, homonyme, dépendant, de François Landry. On se retrouve en septembre. Comme le dirait François Legault, on verra. On verra bien, en tout cas. Le cochon. C'est ça. La porte est grande ouverte pour toi, comme toujours. On ne veut pas te perdre. François Landry, qu'on retrouve en tant qu'attaché politique à la GE. Et suivez-le sur Twitter. C'est attache-po. Ouais, maintenant, c'est conseiller d'exécutif. Ah, t'es pas sérieux? J'ai changé de titre. Mais ton Twitter, est-ce que mon Twitter reste attache-po. OK, good. Ouais, c'est quoi ton titre? Conseiller à l'exécutif. Conseiller à l'exécutif. Oui. T'es le CAE ou le CAX? Le CAX. Le conseiller. Ou le gars ou... Hey! Hey, barbu! C'est une barbe de série! C'est une barbe de série! Non, j'ai une barbe, point. Hey, moi aussi, hein? C'est fatigant, hein? C'est fatigant! Hey, come on! Chaque jour, hey, tu te laisses pousser la barbe. Non. Mais par contre, si on pouvait dire, oui, j'ai une barbe de série, Dexter, ou tu sais, genre, si t'as une série télé comme ça, tu sais, j'écoute Breaking Bad, j'écoute Glee, tu sais, je sais pas. Glee? Moi, ça marcherait pas non, pour une barbe, non, ça. Non. 30 vies. Oui. Une barbe de 30 vies. Hein, juste pour amener un malaise. Ah, tu dis, j'ai une barbe de série noire. Oh. La série de Radio-Canada. Ah, c'est bon, ça. On est à trois à l'écouter. Yeah. Yeah. J'ai pas encore écouté. Fait qu'on est moi deux. Non plus. on est un, toi, non? Ben oui, j'ai écouté. OK, on est un. Yeah. Ça va venir cet été. Où ta barbe de la série? Noire. Tu t'as dit, je me laisse pousser une grosse barbe noire. Ah, donc encore une fois, merci. De rien. Monsieur. Je vais mettre mes cheveux devant. Ça, c'est une moustache de série, ça. Ouais, t'es pas, je manque l'autre bout de poil. Ah, faut prendre ça en photo, quelqu'un. Quelqu'un prenne ça en photo. T'es un peu gelé, là. Faut faire ça pendant qu'on l'a encore, là. Et, attends un peu. OK. Parfait. Des selfies live sur le FM, c'est du jamais entendu. Même pas un selfie, c'est pas moi qui l'ai pris. Ouais, y a ça. Alors, on écoute Crass and Crumbs de Tough Mits tout de suite. Ça, c'est fou. C'est un entrefie. Une entrefie? Wow. Une atrophie? Ça, c'est un handicap ou une... Non, c'est pas un handicap, excuse-moi. C'est pas ça. C'est une personne avec des besoins particuliers. En situation de besoins particuliers. On dirait qu'il s'en va chaud aux toilettes quand il y a des besoins particuliers. Besoin réduit particulier. Un réduit de besoins particuliers? Ça, c'est dégueulasse. Tough Meets et Crass and Crumbs sur leur Tough Meets EP à son âge requis. Oh, c'est bon. Ouais, hey, je pense que votre radio est en train de briser. Hein, comment ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Ça va venir, vous allez voir, vous allez les reconnaître. Chronique brancher le monde, mais on appelle ça chronique, mais c'est pas vraiment une chronique, c'est juste parce qu'on a David Ferron, c'est l'occasion de faire jouer son thème que j'ai retrouvé quelque part dans mes affaires. Salut David. Bonjour, ça va bien? Ça va toi? Oui, merci. En fait, je suis venu vous parler de deux choses. D'abord, Stéphanie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui, dis-moi en plus. Oui, parce que tu as une chronique de bouffe culinaire tous les jeudis. Oui. Et à un moment donné, t'as parlé de kaki. De kaki. Et Wiki Hilton est très allergique au kaki. Et même en entendre parler, ça lui rend totalement allergique. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait, Gustave et moi, le ligoté. Et on a fait écouter ta chronique sur le kaki et ses tympans ont explosé. Oh, elle ne peut plus entendre rien. On va rappeler aux gens que Gustave et Wiki Hilton sont des personnages théâtraux dans l'univers de David Ferron, qu'on les voit d'une fois de temps en temps. Il faut suivre leurs aventures pour bien comprendre. Mais disons qu'il n'y a pas de bonheur et de plaisir entre Stéphanie et Wiki Hilton pour des raisons que je vous laisse expliquer si ça vous dit. Alors, tout simplement parce que j'ai eu une aventure avec Gustave, mais que Wiki était en amour avec Gustave. Voilà. Et Gustave est le frère de David Ferron. Oui, c'est ça. Voilà. Jumeau siamois. Anciennement siamois, puis maintenant. Au moins, maintenant, on sait qu'elle ne pourra plus entendre notre émission. Donc peut-être qu'elle va moins être portée à nous écrire des cartes postales de bêtises envers Stéphanie en traitant de vache. Comme elle a fait la semaine passée, il y a deux semaines. Oui, l'espèce de roman savon avec ma famille imaginaire. Oui, ta famille de Jean Fauqué. Donc, David, t'allais me brancher le monde en ce moment et tu viens de en fait, la session s'est terminée la semaine passée. Est-ce que t'as animé... Oui, t'as animé dimanche. J'étais là. Oui, c'est ça. Donc, dimanche, entre 17h et 19h, c'était la case horaire de brancher le monde. Cet été, tu changes de case horaire un petit peu. Donc, j'imagine que le concept va devoir changer avec ça. Parle-nous de brancher le monde cet été, s'il te plaît, David. Mais en fait, je garde toujours la même case horaire. C'est juste qu'au lieu de faire 2 heures, je garde 1 heure. C'est donc pas le même horaire, oui. Parce que 17h à 19h et 17h à 18h, c'est pas le même horaire, mais bon, regarde. Oui, ben c'est vrai, t'as raison. T'as fait un horaire, parce qu'au lieu de faire 2 heures, c'est 1 heure. Et je prends toujours le top 5 musique du monde, donc les 5 meilleures chansons de musique du monde. Et là, ces temps-ci, il y a tellement de musique qui sort que ça se fait qu'il y ait beaucoup de bouleversements d'ici la fin de l'été. Ouais, mais avec 1 heure, t'auras pas la place pour grand chose de plus. Est-ce qu'il va y avoir des chroniques quand même? Est-ce que les chroniqueurs suivent? Ben, c'est sûr que la session d'hiver, j'avais pas eu beaucoup de chroniques. C'était surtout des entrevues avec des artistes. Donc, oui, la dernière demi-heure, parce que le top 5 sera quand même une demi-heure à présenter. La dernière demi-heure, évidemment, je vais avoir encore de la place pour des entrevues, pour voir des artistes, pour présenter la musique du monde en tant qu'elle. Donc, c'est surtout une vitrine culturelle. Qui est contacté à la dernière demi-heure, mais c'est sûr que vous prenez autant de plaisir, autant de super bonne musique et autant de Mireille Mathieu quand je présente mon décompte. La petite chanson thème du décompte. Donc, il y avait aussi ton blog qui vient d'ouvrir, branchelemonde.wordpress.com. Qu'est-ce que tu trouves sur ton blog, David? Pour l'instant, ben merci d'en parler, c'est très gentil. En fait, le blog, en tant que tel, il n'est pas hyper développé parce que c'est nouveau. Eh bien, il y a le gagnant du coup de cœur, franchement, parce que j'ai fait un sondage la semaine dernière pour des gens des sites de coup de cœur. Et d'ailleurs, c'est Ibrahim Malouf avec Nomad Slang. Et ça apparaît en page d'accueil. Il y a également le panel top 5 qui va donner un nouveau petit look parce qu'avant, c'était toujours publié sur Facebook, mais avec le blog, je peux embellir le tout. Tout à fait. C'est toujours pratique un site web pour que les archives restent. Facebook, c'est bien le fun, mais ça disparaît dans le trou noir d'Internet avec le temps. Donc, Puis ce soir que j'ai agrémenté le site au cours de l'été. Bah, c'est certain. Donc, branche le monde, branche lemonde.wordpress.com, c'est l'adresse pour le blog. Tu l'as dit, le gagnant du numéro 1, avec 60% des voix, tu l'as dévoilé sans aucun suspense à Assemblage Requis, mais tu l'avais déjà dévoilé de toute façon à Brancher le monde. C'est, comme tu l'as dit, Ibrahim Malouf, c'est ce qui commence à jouer en ce moment même, derrière nous. Ben c'est gentil, je pensais que tu allais la jouer. Ben, ça fait plaisir quand même. Sinon, on t'écoute tous les dimanches à 17h. Est-ce que ça commence ce dimanche qui s'en vient? Oui, exactement. Et en plus, c'est qu'on va avoir un super beau bloc parce que là, ce ne sera pas cette semaine, mais l'autre semaine d'après. Donc, dimanche le 11 mai, Simon Fitbé va me succéder avec son émission Un genre de bleu. C'est vrai, tout à fait. Son émission qui était avant dans tous les étés. Dans le fond, ça fait plusieurs étés qu'il fait cette émission-là. Il reprend ça les dimanches soirs pour fitter dans la programmation jazz, blues, musique du monde. Tout ça fit ensemble très bien. Donc, il va y avoir des rediffusions de ces émissions-là sur cif.ca. Vous allez pouvoir retrouver la programmation estivale à partir de vendredi. Alors, on souhaite une bonne session estivale, David Ferron. Ben merci beaucoup, puis j'espère qu'on va pouvoir se retrouver. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus, Stéphanie et toi, pour animer avec moi le top 5. C'est bon, seulement vous voulez venir un dimanche. Ah, c'est trop gentil. S'il y a une occasion spéciale de le faire, je pense c'est sûr, on va se trouver un moment, c'est certain. Tout à fait. Yeah. Merci David Ferron. Ben, c'est moi qui vous remercie. Branchez le monde dimanche 17h. Bonne journée. Bye. Nomad Slang de Ibrahim Malouf, le gagnant du coup de cœur Branché le Monde, édition automne-hiver 2013-2014. C'est avec 60% des voix qu'il a gagné. Et écoutez, Branché le Monde encore une fois les dimanches à partir de 17h. Et ça commence ce dimanche qui s'en vient. Au retour, la bouffe de la semaine et la malbouffe de la semaine à son magique. Dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est les 20 dernières minutes de cette session hivernale printanière d'Assemblage requis 2014. Wow! Déjà, elle, c'est Stéphanie Paradis. Mathieu Plante, ça c'est toi. Merci. La dernière demi-heure, 21 minutes comme on l'a dit, va être assez bien remplie de nourriture. Donc c'est sûr qu'on va avoir du plaisir ensemble. C'est sûr qu'on va manger à notre faim. Toi, moi, de la bouffe. Tu sais, hein? C'est une histoire d'amour. Avec la bouffe, pas avec toi. Ouais, non, c'est ça. C'est plus comme un triangle unilatéral vers la bouffe. Ah ouais, unilatéral. Monolatéral. Moi, je sais pas. Là. En tout cas. En tout cas, avant de passer à la bouffe de la semaine, on écoute Mordicus. Donc voici ma grande gueule. C'est là que ça va aller. Mets de la bouffe. Eh oui, il est là, dans la baguette. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai de la place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là où les rêves deviennent réels. Dans ma grande gueule, on s'en va découvrir. Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Ben, ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent... Des pommes! Oh! Pomme, pomme, pomme, pomme! Mais oui. Là, j'espère que t'es pas trop déçu. On mange des pommes. Ben, j'ai vu le mot, j'ai vu un autre mot sur le sac, là, fait que ça me fait penser que ça pourrait être bon. Qu'est-ce qu'on mange? On mange pas juste des pommes, on mange des martins. Non, c'est... des quoi? Ça, c'est la marque, c'est Martin's. OK. Family Fruit Farm. Dans le fond, c'est des crispy apple chips. Ah, des croustilles de pommes croustillantes. Donc, ce sont des pommes déshydratées à 100%. Donc, ce qui est intéressant, si je te lis la liste d'ingrédients, pommes. Pommes, c'est, là, c'est le seul c'est ingrédient. C'est juste des pommes. Génial. Parce qu'on est habitué à manger des... je sais pas si t'en as mangé tant que ça, des pommes séchées en pot. Ben, un non, petit plat de plastique. Non, j'ai jamais mangé ça. C'est à côté des autres fruits beaucoup trop sucrés. Et moi, je m'attendais à quelque chose de croquant en mangeant ça et c'est tout mou. J'ai pas aimé manger des pommes séchées. C'était juste des un peu le même principe que les abricots, les prunes, c'est les raisins secs et tout ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais sûrement à ce que ça va goûter. En tout cas, j'ai l'espoir que ça va être croustillant. Et, écoute, je te dirais chips. Que si je presse un peu le sac. C'est parce que tu fais pas le micro magique, c'est ça qu'on n'entend pas. C'est ça le problème. Le micro magique, il est pour ça. T'sais. Ouais, ouais, c'est solide. Bon, il y a le sac qui crunch aussi, là. Mais bon, donc, ça, c'est super le fun parce que il n'y a pas de gras d'ajouté, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de sucre ajouté non plus. Donc, c'est vraiment juste les pommes et son propre sucre. Et ouais. C'est aussi sans gluten. Cool, et c'est marqué comme slogan « De nos vergers jusqu'à votre bol de collation ». C'est parfait. En arrière du sac, c'est parfait comme slogan, ça. Ben oui, c'est beau, directement là. Directement du verger. Hein. Puis refermez-moi hermétiquement si vous n'avez pas encore terminé. Tu sais. Parce que on va se dire, c'est un Christy de gros sac. Oui, c'est un méga gros top gros sac de qualité. Devine où je l'ai pris? Je dirais, attends un peu, est-ce que c'est chez Walmart? Est-ce que c'est chez Sears? Non, c'est chez Bulk Barnes, certainement. Mais non! Non, Costco! C'est un Christy de gros sac. Costco, là, le langage, là, Costco. J'ai pris ça chez Costco. C'est un Costco de grand sac, comme on dit, tu vois? C'est quand même 7$ le sac, mm-hmm. Mais tu manges pas ça tout d'une traite, là, comme on pourrait faire avec un sac de chips, par exemple. Ne me sous-estime pas! Non, on va se faire des collations avec le gros sac, là. Donc, c'est quand même 300 grammes de croustilles. C'est une croustille de grosse poche. Donc, ça nous dit « Fraîche de notre verger croustillante dans votre bol. » Donc, nous accordons beaucoup d'importance à vos demandes. C'est pourquoi Martin's Family Fruit Farm vous présente ces croustilles de pommes au goût véritable qui craquent sous la dent. Oh, wow. Donc, c'est prometteur de ce côté-là. Lorsque vous essayerez les croustilles que nous avons créées, vous entendrez ce que nous voulons dire. Il y a un petit cri de joie dans chaque bouchée. Oh! C'est parce qu'elles proviennent des pommes cultivées dans le verger de la famille Martin, ou Martin, et envoyées bien fraîches vers la propre cuisine des Martin. De Martin. Martin. De Martin. Pour être transformées en petites tranches pures et croustillantes de paradis. Hey, la famille de ma grand-mère, c'était des Martin, fait que ça a peut-être un rapport. Ah, peut-être. le seul ingrédient que nous y ajoutons, le seul ingrédient que nous y ajoutons, c'est le rire. C'est qui est étonnamment ça. Ça, c'est un petit peu c'est over. Le rire, comment? Les membres de la famille Morton sont des gens simples, paisibles et qui travaillent avec ardeur. Mais comme elles en font du bruit, les croustilles. Bon. Les croustilles de pommes de la famille Morton, vraiment croustillantes, purement amusantes. Aïe, aïe. Bon, puis il y a une petite abeille, tu sais, t'as un bol de croustilles, là, des pommes à 100% et rien d'autre. T'as comme une petite abeille qui fait un thumbs up. Oui, un petit pouce en l'air. C'est cute, là. Ouais. Oui, bon, ça dit pour que les croustilles demeurent croquantes, conservées à la température de la pièce ou au réfrigérateur, donc pas trop à la chaleur. Ça nous dit pour 7 morceaux, donc 11 grammes, c'est 45 calories. Donc oui, il y a beaucoup de glucides. C'est les glucides naturels des pommes, donc 11 grammes de glucides. Donc, il n'y a rien là, hein, c'est pas pire que de manger une pomme. Sauf que là, on l'a en version crunchy crunchy. Hey, ça, tu viens de me convaincre de manger des pommes, c'est ça. Là. Donc, c'est sûr que t'as pas tous les nutriments dans une pomme. T'en perds? Ben, c'est sûr que plus ton aliment est transformé, comme là, ça doit être cuit, déshydraté, c'est sûr que ça perd toujours des nutriments. Okay. Donc, même dans un jus de pomme, t'as pas tous les nutriments de la pomme. Ah, parce que déjà, dans la pelure, t'as plein de choses que tu perds dans un jus de pomme. Mais et t'as pas les rajouter? Les fibres. Dans le jus de pomme, des fois, peut-être qu'ils vont rajouter ce qui a été perdu. Non. Les nutriments de la pelure, c'est ça. C'est dans la pelure ou rien. D'accord. Donc... je serais prête à ouvrir le sac. Oui, micro magique. Présente-toi à ton endroit destiné. Faut dire au micro quoi faire, là, il est magique, mais il sait pas tout quoi. T'sais. C'est pas un génie, on dit. C'est un petit peu niaiseux. C'est un micro. C'est raté Fail. Un peu. Ouais. On va ouvrir de l'autre côté. Attention. OK. Pas si pire, hein? Pas si pire. Est-ce que le sac est déjà pré-fermé hermétiquement? Non. Tu vois, il y a des sacs qui font ça, des fois, ils font. Ça sert à rien. Pas mal, OK. Parfait. Ça sert à rien. Donc, je vais sentir ce que ça sent. Ah, je sais pas. Ah, ça sent pas les pommes comme tu t'attendrais. Ben, ça sent les pommes, mais en très, très léger, je te dirais. Mais avec une petite odeur différente, je sais pas si c'est à cause du sac. Peut-être. Je m'attendais à ce que tu me dises, ça sent pas mauvais, pas mauvais, pas. Mais ça sent, ça sent bizarre. Je suis pas certaine via l'odeur, je sais pas trop. Ça a un peu la même odeur que les chips de pois que j'avais fait goûter il y a déjà quelques semaines. Il y a une petite odeur, je trouve, qui revient. C'est peut-être pour à cause du principe de déshydratation et tout ça. Donc, je te laisse t'en prendre un petit peu et on va y goûter en même temps. Donc, merci. Je te donne le sac. Sens dans le sac puis dis-moi ce que t'en penses. J'avoue que l'odeur est pas. J'essaie de parler dans le micro en même temps que je sens. Ça va être mis comme ça. Ouais, non, ça sent un peu la même chose que les pommes qu'on achète en pot déshydratées, même plus molles. Ça sent la même chose. Donc, moi, c'est ce à quoi je m'attendais de pommes déshydratées. C'est pas mauvais comme odeur. Ça sent des fois les chandelles. Vous savez, les trucs, les parfums à senteur de pommes. Ah, je sais pas. Ça sent un petit peu ça, comme un. Et si tu regardes bien dans le sac, si je me trompe pas, ils ont gardé la pleure. Oui, la pleure est là. Rouge très foncé, Bourgogne. Donc, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Pendant que tu prends vraiment très lentement les chips dans le sac. Ouais, j'essaie de pas trop toucher aux autres parce que j'ai quand même une fin de rhume. Je vais vous parler un peu du sac que je trouve très beau. C'est un sac résistant. Et dessus, c'est vraiment une grosse pomme avec une feuille dessus. C'est écrit en gros Crispy Apple Chips. Et j'aime beaucoup la police de caractère qui est utilisée. Oui. T'sais, c'est utilisé. C'est comme si c'était écrit au gros crayon feutre. Je trouve ça très, très beau. Oui, j'aime ça. Donc, c'est ça, côté look pour les pommes en tant que telles. On voit qu'il y a des côtés qui sont plus rouges que d'autres, des côtés plus orangés, un peu comme des vraies pommes. Là. C'est pas tout le temps toute la même couleur de tout le tour de la pomme. Non, ça, tu vois que c'est pas du fake de pleure. Non. Ça a gondolé à cause de la déshydratation. Ça a fait des petites vagues. Il y a un trou dans le milieu parce qu'on a enlevé le cœur, évidemment. J'allais le dire, hein, c'est évident. Donc, c'est comme... Ah, tu sais, quand tu te mets autour du cou, là, les espèces de une fraise que tu mets autour du cou, c'est comme... Ouais. Ça ressemble à ça. Tu mets ça autour de ton doigt, là. Ça fait des collations à doigts, un peu comme les autres les collations. Ringolos. Les ringolos. Quand on avait des petits doigts, évidemment. Ouais, non, c'est maintenant. Ça. Sinon, un petit peu de la texture, mettons, est très, très beige sèche, évidemment. Hein, quand même. Ben, beige, c'est pas une texture, c'est une couleur. Donc, on voit que la couleur de la pomme, c'est comme si elle avait oxydé un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'ils n'ont rien rajouté d'autre. Il n'y a pas de jus de citron dedans pour l'empêcher. Ouais. Es-tu prêt à goûter? Moi, je suis prêt. On baisse la trame, micro magique pour toi? Bien sûr, pas pour moi. Mais c'est donc ben bon. Mais c'est fantastique. C'est très, très croustillant. Mm-hmm. Et non, le goût est très concentré. Ah! Oh, à la fin, il y a un petit arrière-goût de cuit. Ah oui! Ah, c'est bon! Genre une fin de bâton de pogo, quelque chose comme ça, qui aurait cuit, là, de la pâte cuite. Là. Ça goûte ça, ouais. Ou une crêpe. Ah oh, oui, j'aime beaucoup le petit excellent. Goût de cuit à la fin. Là. Parfait. Puis... C'est quand même très sucré. Mm-hmm. Parce que le sucre à l'intérieur, je veux pas être concentré. J'ai l'impression que, justement, je mangerai pas. J'en mangerai pas comme 40 000. Là. Mais c'est croustillant. Je trouve que, justement, ça vient remplacer notre besoin de grignoter. Oui, c'est très satisfaisant. Par contre, un peu comme une pomme, et là, ça dépend des gens et de vos dents, mais ça me pogne les dents un peu comme une pomme. Là, par moment. Ça te pogne les dents? Un peu, oui. Ben, comme des chips. Comme des chips, exact. Donc, ça, c'est pas vraiment un argument contre. Non, absolument pas. Non, vraiment pas. Et pour vrai, je pense que c'est vendu dans mon cas. Ça remplace très bien les chips. Et ça goûte vraiment les pommes, là. Ouais. Tu sais, quand t'as envie d'un petit goût de sucré, mais un petit goût de croustillant, tu sais, des fois. Ouais. Je pense que c'est un gagnant pendant des films. Ah oui. Puis t'as un sac, donc t'as le plaisir de taponner le sac, oui. De mettre la main dedans. Il y a sûrement des graines de pommes à la fin que tu peux te sacrer dans la gueule. Non, j'adore ça. C'est réussi. Steph, un bon choix. Après la semaine passée, tu m'avais perdu un petit peu avec tes desserts de tofu. J'ai vraiment pas aimé ça cette semaine-là, on s'en rappelle. Là, vraiment, je suis revenu de ton bon côté. Je pense. Voilà pour la bouffe de la semaine. Tout à l'heure, on aura bien sûr la malbouffe de la semaine, le pendant malsain un peu, à moins que tu aies autre chose à dire, ça va? Martin's, c'est le nom de la compagnie. Oui, il y a le site internet aussi si vous voulez visiter. Donc, martinsapplechips.com. Génial. Tantôt, donc, malbouffe de la semaine. Pour l'instant, la nouvelle entrée de Fontarabie. On a vraiment beaucoup aimé. C'est une des pièces qu'on a appréciées dans les Palmarès C'est fou la semaine passée, qui a monté pas mal. Donc, Fontarabie rentre en position numéro 3. Voici Forcé à quitter. À crunch, crunch, crunch. Quelque chose de plate. Yo! Belay! Lilay! Lilay! Lilay! Lilay! Alay! Alay! Alay! Alay! C'est-tu Alay? Non. Ah. C'est au jalapeno et cheddar. En fait, je te sors ça tout de suite de mon sac. Je te raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi ce matin. J'ai essayé d'aller à l'épicerie à 7h10 environ ce matin. Pour essayer d'acheter ma malbouffe de la semaine. Mm-hmm. Malheureusement, c'était fermé. Donc, je suis allé au dépanneur en avant du Canadian Tire sur des forges. Qui, n'importe lui, quoi. Absolument rien. Tout ça parce que j'étais pas assez prévisif. Comme moi. Prévisif. Je sais pas. Prévoyant. Malheureusement, non. Comme moi, d'y aller une semaine à l'avance. J'ai un petit peu la tête ailleurs, je pense, en ce moment. Ça m'arrive, désolé. Donc, j'ai sorti quelques produits de ce garage-là, puis ça n'a pas donné grand-chose, mais vous dire, parce qu'il n'y avait rien de nouveau, absolument t'as rien. Ça a donné plus qu'une chose. C'est bien que je ne suis pas capable d'acheter quelque affaire dans un dépanneur. Steph, tu me connais pas, là? Mathieu Plante, enchanté. Donc, je me suis dit que j'avais jamais essayé ces chips-là. C'est des Dutch Crunch, très croustillantes, jalapeno cheddar. Ça a l'air cool. J'ai jamais goûté. Bon, on pourrait goûter à ça. Parce que moi, d'habitude, je vais standard. Les chips ordinaires, barbecue. Moi, avec un jalapeno, là. Ouais. D'habitude, quand c'est trop piquant, j'en mange deux, puis je meurs. Moi, j'adore ça à jalapeno, donc ça pourrait être ça. Sinon, ça, c'est vraiment pas original, là. C'est des Vachon Grannies, mais je pense plus mon dessert pour plus tard, fait que je vais garder ça. Puis je me suis acheté un Red Bull bleu, parce qu'il y a la bombe bleu, puis il est bleu. Il y a un rouge, puis il y a un argent aussi, mais c'est bleu, pas ça. Red Bull, ça. Ouais, c'est Red Bull, là. Red Bull. Ah. Red Bull Blue Edition. C'est supposé être quoi? Aucune idée. C'est boisson énergisante qui stimule le corps et l'esprit, mais je pense que c'est juste la saveur de bleu. Parce que d'habitude, t'as Red Bull à saveur de bleu, à saveur de rouge et à saveur d'argenté. C'est les trois nouvelles sortes qui sont, ben, pas nouvelles, mais c'est sorti semi-récemment. Je me suis essayé la bleue, et si j'aime ça, je vais essayer la rouge et l'argent. Ben, coudonc. Et moi, je pense qu'on devrait s'essayer sur les chips. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. T'sais, on a déjà commencé avec des chips aux pommes. On vient avec, donc, des Dutch Crunch. C'est des chips, évidemment, cuites à la marmite. Oui, c'est un bon choix, ça. Bien sûr. À la pénurie cheddar, je l'ai dit, zéro gratance, zéro. Aucun arôme ni colorant artificiel, sans gluten. C'est un produit canadien de Old Dutch, évidemment. Mm-hmm. C'est un dérivé de Old Dutch. 20% de plus que leur ancien format. Ah, ben c'est le fun. C'est toujours amusant, ça. Ça dit pas si on augmente le prix. Ben oui, c'est ça. Sinon, il n'y a pas grand d'autres informations, mais je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a à savoir sur un sac de chips, n'est-ce pas? Oui. Tu veux l'ouvrir? Ben, je peux te l'ouvrir dans le micro, Magic. Je finis vraiment en plate avec ma chronique, ma bouffe de la semaine. Est-ce que désolé. Tu veux que je l'ouvre? Par en bas. Ouvre-le par en bas, s'il te plaît. Non, ça, je peux pas. Tu peux pas, mais c'est que la saveur va toute se couler sur les chips. Ah, j'aime pas ça, c'est comme contre mon trouble obsessif compulsif. Je te comprends, moi aussi, je le fais jamais, mais c'est ce qu'on m'a dit de faire pour avoir toute la saveur sur les chips au lieu de dans le fond du sac. Donc, je vais baisser la trame pour aller au micro magique. Que c'est le fun, le sac de chips. Ça sent bizarre. Est-ce que ça sent au moins le jalapeno ou le cheddar? Non, ça sent le chip et le gras. OK. Ben, tant mieux. Je dirais que c'est tout ce qu'il me faut. Donc, moi, je vais y aller avec celles qui sont repliées. Oui, j'adore celles qui sont repliées. Je l'avoue, je suis d'accord avec toi. On se passe ça dans le corridor sécuritaire, comme toujours. Bip, bip, bip. C'est le corridor anti-accidentogène. C'est exactement anti-accidentogène. C'est très bien dit. Donc, le micro magique va servir encore. Je le sens l'odeur d'ici. Attention. Oh, que ça sent bon. Ils sont orangés quand même. Mm-hmm. Orangés, pas trop l'air d'avoir de saveur dessus. Je te dirais qu'ils n'ont pas l'air trop poudreuses comme d'autres sortes, comme mettons les Tostitos. J'en ai une un peu plus poudreuse, là. Ça doit dépendre de laquelle. Exactement. Est-ce qu'on s'en met une dans l'orifice buccal? Dans le micro magique. Ça goûte ce que ça devrait goûter. Ah, ça goûte très poivré, je trouve. Oui, ça me rappelle beaucoup les Miss Vicky's au jalapeno. Pour ceux qui sont fans de ça, moi, c'est l'un de mes produits préférés à vie, les Miss Vicky's au jalapeno. J'aime bien les Miss Vicky's, mais... Oh, c'est fort! Tu trouves? Je suis pas habituée de manger épicé du tout. Je le sens pas encore, l'épicé. Je vais le laisser venir un petit peu en prenant une autre. Je suis pas certaine. J'aime la texture, mais pas la saveur. C'est mon genre de saveur à moi, ça. C'est comme poivré trop fort que là, t'as la bouche en feu pis tu goûtes plus rien après. Tu m'as donné, tu la manges? Non, je vais la manger, j'ai des mains. C'est bon. J'aime la texture, par contre. Mais j'en mange trop pis j'ai la bouche en feu. Je pourrais pas en manger plus que ça. Étant donné que je suis un fan de chips épicés, ça m'en prend vraiment, vraiment beaucoup pour trouver ça épicé. Ça, c'est même pas sur mon échelle. C'est bon. C'est pas... Je les mangerai pas pour... avoir un buzz de piquant, ce qui est ce que j'adore comme buzz vraiment beaucoup. Mais surtout parce que j'aime le mélange entre le fromage et le piment. Un peu comme j'aime les jalapeno poppers, les petits trucs farcis que tu fais cuire au four. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle un petit peu cette saveur-là, mais en beaucoup plus léger, je trouve, que les vrais jalapeno poppers. Pas pour toi, hein? Non. Bon, ben, c'est pour moi. Sachez-le, je vous le répète, le nom de la marque, c'est évidemment un produit de Old Dutch, mais c'est les Old Dutch Dutch Crunch Kettle Cooked au jalapeno et cheddar, cuit à la marmite, donc. La texture est impeccable, par contre? Oui. Mais je les trouve un peu grasses. Oui. Il me semble que... Je sais pas si c'est moi, mais il me semble que Miss Vicky, c'est un peu moins huileux gras. Tout à fait, t'as moins à te lécher et essuyer partout avec des Miss Vicky's, en effet. Non, Miss Vicky's va toujours être, pour moi, la compagnie, la meilleure compagnie de chips que je connaisse. Les sacs sont tellement beaux. C'est super beau, c'est bien fait, avec amour. C'est même marqué sur le sac qu'ils font avec amour. Fait que tu veux dire, tu peux pas dire rien. Il y a rien là, mais ils font en rien. En rien, c'est ça. Old Dutch, eux, ils font juste rien, ils font juste des chips. Là. Ils s'en sacent, eux autres. Moi, je suis sûr que quand ils font leur pomme croustillante, ça, je les imagine rire un peu démoniaque. Ah, c'est génial. Donc, il va, c'est le dernier produit pour la bouffe de la semaine pour cette session-ci. Cet été, sachez que ça va revenir dans des cases plus ponctuelles. On va vous le dire le jour même quand il y en aura une. Ce ne sera pas à chaque semaine, ça va être quand Stéphanie va être disponible pour le faire. C'est ça, ça va être une surprise à chaque fois pour tous. Exact, parce que Stéphanie, en tant que telle, la personne elle-même va être une surprise dans l'émission Assemblage Requis cet été. Ouais, donc, pas mal ça. Pas mal ça, on va te prendre quand tu seras là. Des fois, l'émission complète, des fois, une chronique, des fois, juste un petit coucou, des fois, rien du tout. Mais bon, tu vas nous manquer cet été, Stéphanie? Je sais pas, on va voir. Le futur, peut-être que tu vas aimer ça pour te faire insulter en nombre. Pas sûr, pas sûr. bref, on verra ce que le futur nous réserve avec toi, Stéphanie Paradis. Merci. Ben, merci. Ouais. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. On s'est dit au revoir pour la chronique, mais en même temps, on va devoir se dire au revoir pour l'émission aussi, Steph. Donc, commençons maintenant. Stéphanie Paradis, comme on l'a dit, temporairement off un petit peu de l'émission. Même chose pour Jean-Philippe Charbonneau. Hors service. On ne sait pas encore trop quand Jean-Philippe va être là. Moi, je vais être là. Ça va être la semaine prochaine à partir de jeudi prochain. On parle donc du 8 mai entre 15h et 18h pour la nouvelle saison estivale d'Assemblage Requis. Vous avez remarqué la nouvelle case horaire. D'habitude, on prenait 4 heures l'été. Cette année, on va faire une heure de palmarès entre 2 et 3 et ensuite Assemblage Requis entre 3 et 6. Donc, 14 à 15 heures, palmarès c'est fou, 15 heures à 18 heures, Assemblage Requis. Les chroniqueurs vont être là, on ne sait pas encore lesquels. C'est vraiment, on a jusqu'à la semaine prochaine pour tout planifier ça. Plein de chroniqueurs, mes chroniques maison vont être là, donc c'est un fait. Ça devrait répondre là. King Sexy Time, les esprits d'assemblage, un paquet d'autres, tout ça dans Assemblage Requis. Sinon, ça va jouer en reprise, évidemment, allez voir le cifou.ca. Est-ce qu'il y a d'autres cet été à surveiller? Ben, évidemment, je l'ai dit, les palmarès cifou vont être juste avant Assemblage Requis. On va faire une heure avec les nouvelles entrées. Dans le fond, les palmarès vont être aux deux semaines. Donc, on va faire une semaine les nouvelles entrées, ce qui rentre après ça. Et après ça, on va faire le top 5 la semaine suivante avec ce qui reste aussi qu'on n'a pas réussi à faire jouer. Donc, une semaine sur deux, vous allez avoir un nouveau palmarès. Ça va être les jeudis à 14h. Et finalement, je vais animer aussi une nouvelle saison du Mathieu Planchot. Ça va être les lundis à midi. Ah? En format de 2h, donc de midi à 14h pour le Mathieu Planchot. Il va y avoir là-dedans Télévision, le segment Geek CNX, c'est un Fête Edition, WoW at Web, tout est. Fait que là, on va pouvoir vraiment chercher de midi à 14h. C'est exact. Génial. Plein de chiptunes, plein de musique inspirée par les jeux vidéo, comme ma série sur Donkey Kong Country 3, qui va jouer tout l'été à 3 pièces par semaine. Donc c'est Mathieu Planchot les lundis à midi. Je pense que c'est tous les messages qu'on a à faire. On remercie évidemment tout le monde qui a participé à l'émission pendant l'automne et l'hiver, que ce soit ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ceux qui nous ont abandonnés en cours de route sans donner de nouvelles, que ce soit ceux, peu importe qui vous êtes, on vous remercie quand même d'avoir au moins fait un effort de venir à Assemblage Requis, peu importe le temps que vous avez duré. Sinon, Jean-Philippe Charbonneau, merci aussi, bien sûr. Ben oui. Danny Janvier, à la production sonore. Alain Lefebvre, directeur musical. Virginie Lessard, aux publicités. Merci Mathieu, au piton. Merci Stéphanie Paradis, au soutien au moral. Au soutien de mes pitons. Non, ça marche pas pendant. Le support moral et tout ce que tu as accompli. Support moral. T'es là pour moi. Te rabaisser. Me rabaisser, c'est ça. C'est plus te démoraliser. C'est plus comment t'appelles ça, quelque chose qui détruit, un wrecking ball moral. Si on veut. Je suis la Miley Cyrus de Cifou. Exactement. Stéphanie Cyrus. Je suis vulgaire et je détruis des murs. Tellement. C'est ça. Ça termine là-dessus. Je pense qu'on n'a pas vraiment plus de choses à se dire que ça, même si j'arrête pas de repartir le thème une troisième fois. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion, de toutes nos émissions depuis le début de la série. Donc vraiment, si vous avez manqué des émissions cette année ou l'année passée ou peu importe quand, AssemblageRequis.com. Cifou.ca, c'est la programmation complète pour savoir ce qui s'en vient cet été à partir de vendredi. Sinon, ce qu'il y a encore dans cette zone floue qui est la période entre la session hivernale et la session estivale. Voilà. C'est tout. C'est tout, là, pour vrai. Fait que, adieu. Oh! J'ai un moment d'émotion. Mais oui, mais c'est plate. On se fait plus le matin. Non, je fais juste digérer mes chips, finalement. Ça doit être ça. c'est ça, c'est fou. Le matin, il n'y aura pas grand-chose. Ça va commencer à midi, la programmation. 11h, certains jours, 11h midi, tout l'été, votre programmation commencera. Avant ça, vous dormirez un petit peu si vous avez l'occasion. Sinon, vous irez travailler avec de la musique sans nous entendre dire des insanités et des obscénités. Voilà. Donc, à jeudi prochain, retenez-le bien, jeudi 8 mai, 15h à 18h pour Assemblage Requis, 14h pour les palmarès C'est fou. Moi, je vous conseillerais d'être là dès 14h. Aujourd'hui? Jeudi prochain. Ah, OK. Le 8 mai. Mais parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être là aussi à 15h. Ah, c'est vrai, les palmarès, c'est fou que ça revienne. J'ai tout dit sauf la programmation du jour. Donc, évidemment, le dîner de con sera à 11h pour la finale de sa saison, lui aussi, avec sa bière de la semaine. À 15h, les palmarès, c'est fou. Et puis, le reste est très fou. Voilà. Bon, c'est fini, là. C'est flou, 89.1. Bye, c'était. Mange des chips.